Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Carnaval, la réponse de l'homme à la détresse des saisons. La terre sort de l'hiver. Et tout peut alors commencer dès Noël, ou à la Chandeleur, ou à Dimanche Gras. Carnaval, fête rurale, rite, bien au-delà du monde chrétien. Carnaval, habit de mascarade et de comédie, évêque des enfants, enfant élu évêque, pour une journée qui officie de manière facétieuse, prenant le contre-pied des rites liturgiques. Mais tout est compliqué, riche, parfois très codifié, parfois laissé à l'appréciation des populations. Carnaval, pour en savoir plus, ainsi sur les rapports entre les rites du Mardi Gras et ceux du Mercredi des Cendres, pour savoir aussi comment et pourquoi il fallait éviter la coqueluche au temps du carnaval, une seule solution, suivre l'émission proposée par Claude Métra, diffusée le 11 mars 1972 sur France Culture. Carnaval par Claude Métra. Cette émission s'articulera autour d'une suite de séquences illustrées par des jeux dramatiques, des chansons et des éléments sonores qui étudieront les aspects archaïques et les formes actuelles des fêtes carnavalesques. Le carnaval dans le cycle des saisons entre Noël et Pâques, la fête des fous, le bestiaire carnavalesque, le cheval, l'ours, l'âne, le coq, les nourritures carnavalesques, les crêpes, les beignets, les petits pois, les viandes, le carnaval, le lin et le chanvre, le feu nouveau, un regard sur un autre monde carnavalesque, celui du Brésil à Bahia, Recife et Rio, carnaval et l'esprit du monde. Participeront à cette émission Claude Ganubet, folkloriste, Martine Grimberg, historienne, Jean-Dominique Lajoux, du Musée des Arts et Traditions Populaires, Roger Bastide, professeur honoraire à la Sorbonne, Jean Marcal, écrivain, spécialiste de la civilisation celtique. Saut lunatique, saut étourdi, saut sage, saut de ville, de château, de village, saut rassauté, saut niais, saut subtil, saut amoureux, saut privé, saut sauvage, saut vieux, nouveau et saut de tous âges, saut barbare, étranges et gentils, saut raisonnable, saut pervers, saut rétif. Notre prince, sans nul intervalle, le Mardi Gras jouera ses jeux au hall. Saute dame et saute demoiselle, saute vieille, saute jeune, nouvelle, toute saute aimant le masculin, saute hardie, couarde, laide, belle, saute frisque, saute douce, rebelle, saute qui veulent avoir leur pécotin, saute trottante sur pavé, sur chemin, saute rouge, maigre, grasses et pâles, le Mardi Gras jouera le prince au hall. Sauts ivrognes aimant les bons copains, sauts qui crachent au matin, jacobins, sauts qui aiment jeux, tavernes et bas, tous sauts jaloux, sauts gardant les putains, sauts qui chassent nuit et jour au conin, sauts qui aiment à fréquenter le bas, sauts qui fêtent aux dames les choux gras, amenez-y sauts lavés et sauts sales, le Mardi Gras jouera le prince au hall. N'y faillez pas à y venir bigote, car en secret, faite de bonne chière, saute gavée, délicate, mignotte, saute douce qui rebrassez vos côtes, saute qui est aux hommes familières, saute nourrice et saute chambrière, montrez-vous faux, douces et cordiales, le Mardi Gras jouera le prince au hall. Ce cri joyeux, mis en chanson par Pierre Gringor vers 1511, c'est celui qui peuple les halles de Paris au temps du carnaval. Ce sont alors les dernières saisons de ce qui fut tout au long du Moyen-Âge la grande fête du peuple. Un peu plus tard, dans les brisures de la Réforme, dans le fossé de plus en plus profond qui séparera riches et pauvres, le carnaval, presque partout, perdra sa sève et sa folie. Il renaîtra, certes, mais sous d'autres visages. Car c'est bien de folie qu'il s'agit ici. Imaginons ces cités gothiques, enfermées dans leurs murailles, cité incertaine, menacé perpétuellement de la guerre, de l'épidémie, de la famine. Un monde difficile, où la mort se mêle intimement à la vie, où l'innocence côtoie ouvertement la corruption, où les plaies de l'existence quotidienne s'étalent en pleine lumière. Et cependant, au-delà de ces malheurs, de ces insécurités, le peuple invente sa joie. Le carnaval est une réponse des hommes à la détresse des saisons. Cette joie, c'est l'affirmation d'un autre monde, plus réel, plus vrai, plus plein que celui que propose la réalité apparente. Un monde où toutes les hiérarchies sont renversées, où règnent l'égalité et la liberté. C'est le triomphe du corps, ce corps qui communique avec le corps de la nature tout entière. Les docteurs enseignent l'angoisse et la peur. Ils déchiffrent dans la création la trace du péché, invitent les hommes à l'expiation et au sacrifice. Alors, le carnaval, c'est un défi jeté à la peur et à l'angoisse. Par le rire, par l'obscénité, par le bruit, par le spectacle du scandale et de la licence, par la glorification du ventre, le carnaval affirme l'immortalité du peuple. La peur et l'angoisse disparaissent parce que dans la folie carnavalesque, les hommes retrouvent la grande folie créatrice de la nature. Les rois et les princes, les sociétés et les lois, les servitudes et les tyrannies sont le visage éphémère de l'histoire. Le carnaval, c'est ce qui échappe à l'histoire parce qu'il est la noce joyeuse du peuple et de la terre. Aux alentours du 6e ou 7e siècle, dans un continent où les vieilles figures de la mythologie celte font bon ménage avec les personnages bibliques, apparaissent de très curieux récits. Voici par exemple le Cena Cypriani ou repas de Cyprien. En réalité, Saint Cyprien avait été au 3e siècle évêque de Carthage et on ignore par quelle subtilité il couvre de sa gloire une si étrange célébration. Le repas de Cyprien, c'est un banquet. On y retrouve maints personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ. Et ce récit, l'historien russe Mikhaïl Biatkin l'a commenté à sa manière. Voici le récit qu'il nous donne de cette fête. Les personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament s'installent à table selon les indications fantasques que peut fournir la Sainte Écriture. Adam a pris place au milieu des convives, Ève est assise sur une feuille de vigne, Caïn trône sur une charrue, et Abel est appuyé sur une cruche de lait. Judas, bien sûr, sourit, une cassette d'argent posée sur ses genoux. La nourriture aussi est étrange. Adam mange une compote de pommes, et le Christ boit du vin aux raisins secs, et Saint-Pierre s'acharne sur le coq qui par trois fois l'a réveillé. Après le repas, Pilate apporte des rince-doigts, Marthe fait la vaisselle, Madeleine prépare les lits, Hérodiade danse, Judas embrasse tous les convives, Noé cuve son ivresse sous la table. Le lendemain du banquet, chacun apporte un présent. Ève, un serpent, Moïse, deux tables de la loi, le Christ, trois agneaux, la Vierge, un drap. Mais bientôt, on s'aperçoit que durant le banquet, de nombreux objets ont été dérobés. Tous les assistants sont tour à tour soupçonnés et traités comme de misérables voleurs. Mais finalement, on rejette tous les vols sur la seule Agare que l'on condamne à mort et que l'on ensevelit en grande pompe. Ce récit préfigure les célébrations grotesques du carnaval. Et un autre récit, à quelques siècles de distance, puisqu'il est celui-là du XIe siècle, nous annonce ce que sera le défilé du carnaval. Et il nous l'annonce sous la forme d'un rêve. Saint Gauchelin, dans la nuit du 1er janvier 1091, revenait seul dans la nuit après avoir assisté un malade dans son agonie, il vit venir au-devant de lui l'armée d'Arlequin. Arlequin est un géant qui a pour arme une massue monumentale, et son armée est bien étrange. En tête viennent des hommes vêtus de peau de bête et portant sur leurs épaules des casseroles, des chaudrons, des balais et des soufflets. Derrière eux viennent des bons hommes dont on ne voit pas les visages et qui portent 50 cercueils. Sur ces cercueils sont perchés des êtres minuscules dont la tête est énorme et qui ont à la main de vastes paniers. Suit une multitude de femmes échevelées montées sur des chevaux et qui sautillent sur des selles garnies de clous incandescents. Viennent ensuite des curés et des moines, puis des soldats en armure, entourés de flammes. Gauchelin interroge l'une des femmes et il apprend que c'est le cortège des âmes errantes du purgatoire à la recherche du paradis. Ces femmes demi-nues qui souffrent maintes douleurs sont d'anciennes grandes dames qui eurent châteaux et vils amours. Les soldats entourés de feu sont d'anciens seigneurs qui eurent vastes biens et grands pouvoirs. Maintenant, ils sont déchus et châtiés, et leurs plaintes peuplent la nuit. La vision de Gauchelin, c'est un monde à l'envers. Un monde où la hiérarchie se trouve bouleversée, l'ordre de l'histoire aboli. Mais il arrive que cette inversion du monde, elle devienne une forme de défense contre la mort. Il y avait à la cour de Charles IX, roi de France au milieu des grandes disputes entre catholiques et protestants, un avocat dont la raison était bien chancelante. Il était devenu si fou qu'il s'imaginait être mort. Il cessa donc de manger, de boire, et se coucha sur son lit, comme tout bon cadavre. Pour le guérir, un de ses parents se fit passer pour mort et se fit porter sur la table de la chambre de l'avocat. Et maintes gens vinrent pour pleurer autour de lui. Et, tandis qu'il se lamentait ainsi, ce parent, sur sa table, se mit à faire maintes grimaces et contorsions si drôles que toute l'assistance se mit à rire, et se mit à rire aussi. Le prétendu mort. L'avocat, alors, du fond de sa folie, s'étonne. Mais on lui dit que les morts doivent rire. Alors, il s'oblige à rire. C'est le premier pas vers la guérison. Ensuite, le parent se met à manger et à boire. L'avocat s'étonne. Mais on lui dit que les morts mangent et boivent. Alors, il réclame des viandes et du vin. Il guérit. Ainsi, le rire, la nourriture et la boisson triomphent-ils de la mort. Ces trois récits, que séparent un millénaire, ont un caractère commun. Tous trois opposent à la réalité des livres ou celle de l'existence quotidienne, les pouvoirs de l'imagination. Tous trois, par le rire ou la dérision, tente d'opposer à l'opacité du monde l'âpre saveur de la vie. Et tous trois circonscrivent un univers, l'univers du carnaval. Une étrange découpure dans le cycle des saisons. Un temps où jadis le peuple, par le rire, témoigna de son appartenance à cette terre, à son désir de vivre dans sa totalité l'expérience de la vie, une vie où il n'est point de séparation entre le corps et l'esprit, entre le silence et la parole, entre la lumière de l'existence terrestre et les ténèbres d'au-delà de la mort. Ce carnaval, quelques traces en subsistent encore, soit dans les fêtes urbaines qui poursuivent l'obscure et lointaine tradition, soit dans des fêtes rurales où revit encore la vieille dramaturgie de l'homme devant la nature qui sort de son long sommeil. Et c'est surtout dans ces fêtes rurales qu'apparaissent des rites dont la signification nous reste presque toujours obscure. À quel lointain passé de notre race se rattache-t-il? Quel dialogue entre notre espèce et la terre exprime-t-il? Que veulent dire ces défilés, ces déguisements, ces bruits, ces aboiements? Pour entrer dans l'intelligence de cette fête de carnaval, qui joua surtout à la fin du Moyen-Âge un rôle déterminant dans la vie sociale, il convient d'interroger les documents, les traditions, mais plus encore de restituer une humanité qui a disparu, de la restituer dans son désir, dans son besoin d'être. Et notre premier compagnon, ici, dans cette recherche du carnaval, sera Claude Gagnebé. Claude Gagnebé, depuis de nombreuses années, s'est attaché à entrer dans l'intimité d'un univers qui ne nous parle que par signes, qui n'arrive jusqu'à nous la plupart du temps que sous forme de symboles tout à fait obscurs. Éditeur de Rabelais, grand défricheur de légendes, Claude Gagnebé n'a pas seulement constitué un vaste inventaire des coutumes carnavalesques. Ce qu'il a cherché, c'est le sens de carnaval dans l'existence de notre archaïque tribu. Alors, Claude Gagnebé, parler de carnaval, c'est d'abord parler d'un moment déterminé de l'année. C'est d'abord évoquer ce moment où lentement la terre sort de l'hiver. Qu'est-ce que le temps de carnaval ? On peut parler du carnaval au sens large et du carnaval au sens étroit. De ce que Van Genève, par exemple, appelle le cycle de carnaval. C'est-à-dire d'une période qui s'étend en effet, dans la plupart des pays, entre Noël et le Mardi Gras, où on peut parler aussi du carnaval au sens étroit. Et le carnaval au sens étroit, c'est essentiellement ce que l'on appelle les jours gras, c'est-à-dire les jours qui se situent de part et d'autre, pourrait-on dire, d'un sommet qui est le Mardi Gras. La meilleure illustration qui a pu être donnée de ce cycle de carnaval, elle a été par un folkloriste espagnol, Julio Caro Barrera, qui a éprouvé le besoin de dessiner véritablement la période de carnaval, en montrant qu'il y avait une longue période préparatoire, comme dans toutes les fêtes importantes d'ailleurs. Il y a donc une longue période préparatoire, avec une série de rites d'entrée dans le carnaval, et puis quelques jours d'activités très importantes qui se situent à partir du dimanche gras, lundi gras, mardi gras, et enfin une période de terminaison, parfois très très brusque, qui parfois prend quelques secondes, qui est, disons, le mercredi des cendres. Donc il a dessiné une courbe qui monte assez lentement et qui va brusquement descendre, tomber le mercredi des cendres. Bien sûr, là, j'ai employé quelques termes que peut-être maintenant les gens ont oubliés, dans la mesure où ils ne suivent plus de manière très précise des rites comme le carême, par exemple. Qu'est-ce que le mardi gras, le mercredi des cendres, en termes, disons, liturgiques exacts? Je crois que ça n'intéressera pas grand monde de savoir que le mardi gras, c'est le mardi de la quinquagésime. Mais disons que, avant la période de 40 jours de jeûne, qui constitue le carême, par définition, qui est un peu plus de 40 jours pour des raisons historiques, mais enfin, étymologiquement, c'est une période de 40 jours qui précède Pâques et pendant laquelle on va avoir un certain nombre de contraintes. L'abstinence, la continence sont les contraintes essentielles de cette période. Donc, avant cette période de carême, se situe la période du carnaval, c'est-à-dire une période qui va être marqué essentiellement par la licence. Alors, quels sont les débuts même de la période de carnaval ? En France, c'est dans un certain nombre de régions Noël, très très fréquemment le jour de la Chandeleur, c'est-à-dire le 2 février, et dans d'autres régions, le dimanche gras, c'est-à-dire le dimanche qui précède le mardi gras. Et la période de la fin va être soit la nuit du mardi gras au mercredi des cendres, soit le dimanche qui qui suit le mardi gras et que l'on appelle dimanche des bordes. Il va donc y avoir une sorte de carnaval ressuscité ce dimanche qui a lieu donc quelques jours après le mercredi des cendres. Et le carnaval va aussi ressusciter à la mi-carême, pour des raisons que nous pouvons étudier de manière détaillée. Donc, la date de carnaval va être variable, puisqu'elle est liée à celle de Pâques. Or, quelle est la définition de Pâques ? Pâques est le premier dimanche qui suit la première pleine lune de printemps. Pour simplifier, disons que Pâques est la date de la première pleine lune de printemps. C'est donc là aussi une date qui va varier avec les phases de la lune. Le carnaval, et plus particulièrement le mardi gras, va lui aussi se déplacer en fonction des phases de la lune. Et il va se déplacer d'une manière intéressante, puisque 40 jours avant la première pleine lune de printemps, nous sommes dans une nouvelle lune, puisqu'il y a un cycle et demi lunaire, le cycle lunaire étant de 28 jours. Nous sommes donc certains que si l'on nous décrit des fêtes de carnaval, des fêtes de mardi gras, en nous disant une pleine lune brillait dans le ciel, c'est une erreur. C'est un détail intéressant dans la mesure où quelques déguisements de carnaval, par exemple, vont reproduire des déguisements lunaires. Un déguisement qui est arrivé jusqu'à nous par l'intermédiaire de la comédie, plus particulièrement, c'est le Pierrot lunaire. Au départ, c'est un déguisement de carnaval. Carnaval s'inscrit donc comme une fête cyclique à date variable en liaison avec le cycle de Pâques. Voilà sa définition. Les caractéristiques de carnaval vont être dues, entre autres, à cette position dans l'ensemble du cycle du calendrier. Nous sommes, d'une part, à la fin de l'hiver, à la fin de ce que l'on pourrait appeler l'hiver populaire. Et, à la fin de l'hiver, les fêtes vont avoir un caractère généralement joyeux. D'autre part, on se prépare pour les 40 jours de carême, qui vont être des jours de pénitence, qui vont être des jours de visite des églises. Les coutumes étaient de visiter, de faire la tournée des églises en donnant des offrandes. Et on commençait cette période de carême par le mercredi des cendres, fête essentiellement triste, où l'on évoquait la mort, on évoquait le fait que l'homme est poussière et doit retourner poussière au niveau de la liturgie. Le mercredi des cendres. Hier, le monde s'agitait dans ses plaisirs. Les enfants de la promesse eux-mêmes se livraient à des joies innocentes. Dès ce matin, la trompette sacrée dont parle le prophète a retenti. Elle annonce l'ouverture solennelle du jeûne quadragésimal, le temps des expiations, l'approche toujours plus imminente des grands anniversaires de notre salut. Levons-nous donc, chrétiens, et préparons-nous à combattre les combats du Seigneur. Mais dans cette lutte de l'esprit contre la chair, il nous faut être armés. Et voici que la Sainte Église nous convoque dans ses temples pour nous dresser aux exercices de la milice spirituelle. Déjà, Saint Paul nous a fait connaître en détail toutes les parties de notre défense. Que la vérité, nous a-t-il dit, soit votre ceinture, la justice, votre cuirasse, la docilité à l'Évangile, votre chaussure, la foi, votre bouclier, l'espérance du salut, le casque qui protégera votre tête. Cette exhortation à la pénitence pourrait nous laisser croire que le carnaval est lié directement au temps de carême, qui précède Pâques. C'est la grande liesse, l'abondance des biens avant un jeûne prolongé. En fait, le carnaval, bien au-delà du monde chrétien, s'inscrit dans l'ensemble de l'univers indo-européen. Et il ne constitue point un repère strictement défini dans la chronologie de l'hiver. Dès Noël, dès ce moment où le monde commence à sortir de sa plus grande nuit, qui est celle du solstice d'hiver, une sorte de fièvre annonce l'avènement d'une autre saison, d'un autre printemps. La joie, alors, Claude Gagnebé, éclate à travers diverses fêtes qui, dans l'horizon médiéval, apparaissent dès le lendemain de la célébration de Noël. Il y a toute une série de fêtes qui sont situées entre Noël et le jour de l'an et que l'on appelle les fêtes des fous. Elles ont disparu sous l'effet des condamnations ecclésiastiques, généralement au XVIIe. Mais les condamnations sont bien plus anciennes. Les caractéristiques de ces fêtes, ce sont essentiellement des fêtes où certains groupes ecclésiastiques, les enfants de chœur, les chantres ou les diacres vont inverser entièrement la liturgie. C'est-à-dire qu'ils vont pénétrer dans l'église ou dans la cathédrale, et les enfants de chœur, par exemple, vont chasser à grand bruit des stalles hautes les dignitaires ecclésiastiques et les remplacer, par exemple, par un évêque des enfants ou évêque des folles qui va être élu, qui va pendant toute la journée officier, mais officier de manière facétieuse, c'est-à-dire prendre l'exact contre-pied des rites liturgiques. Par exemple, au lieu de donner des bénédictions, il va donner des malédictions. Des malédictions, c'est peut-être un grand mot, mais il va donner des bénédictions facétieuses. On a certains textes où l'évêque des fous bénit les gens en leur disant « Puissiez-vous avoir des maux de dents pendant toute l'année ?» On voyait les clercs et les prêtres faire en cette fête un mélange affreux de folies et d'impiété pendant le service divin, où ils n'assistaient ce jour-là qu'en habit de mascarade et de comédie. Les uns étaient masqués ou avec des visages barbouillés qui faisaient peur ou qui faisaient rire. Les autres, en habit de femme ou de pantomime, tels que sont les ministres du théâtre. Ils dansaient dans le chœur en entrant et chantaient des chansons obscènes. Les diacres et les sous-diacres prenaient plaisir à manger des boudins et des saucisses sur l'autel, au nez du prêtre célébrant. Ils jouaient à ses yeux aux cartes et aux dés. Ils mettaient dans l'encensoir quelques morceaux de vieille savate pour lui faire respirer une mauvaise odeur. Après la messe, chacun courait, sautait et dansait par l'église avec tant d'impudence que quelques-uns n'avaient pas honte de se porter à toutes sortes d'indécences et de se dépouiller entièrement. Ensuite, il se faisait traîner par les rues dans des tombereaux pleins d'ordures où il prenait plaisir d'en jeter à la populace qui s'assemblait autour d'eux. Ils s'arrêtaient et faisaient de leur corps des mouvements et des postures lascives qu'ils accompagnaient de paroles impudiques. Ces fêtes étranges devaient se maintenir longtemps dans des lieux qui échappaient à la surveillance du pouvoir. En Provence, par exemple, au début du règne de Louis XIV, ces spectacles de la dérision rythmaient encore la vie des monastères, à une époque pourtant où la vie religieuse n'était pas d'une particulière liberté. Ainsi, un ami de Gassendi écrit que le jour de la fête des innocents, les religieux ne vont pas à l'église. Ce sont les frères laïcs, les frères coupe-choux, qui vont à la quête, ceux qui travaillent à la cuisine, les marmitons, ceux qui font le jardin. Ce sont ces gens-là qui occupent la place des religieux à l'église, dans le chœur. Ils se revêtent d'ornements sacerdotaux tout déchirés et tournés à l'envers, ils tiennent dans leurs mains des livres renversés et à rebours, et ils font semblant de les lire avec des lunettes dont ils ont ôté les verres et auxquelles ils ont ajouté des écorces d'orange. D'autres documents attestent que lors de ces fêtes, les prêtres, parfois, donnaient le baptême à des cochons, à des poules ou à des harengs. Mais c'était la fête de clercs, de gens qui faisaient partie de la communauté ecclésiastique. On aurait tort de croire pourtant qu'ils sont séparés de l'ensemble du peuple. Martine Grimbert s'est attachée à mettre en lumière la signification de ces fêtes des fous dans la cité médiévale, une cité où tout communique, où la vie est avant tout une relation ouverte, à la fois entre les hommes et entre les hommes et les autres visages de la vie. Alors, Martine Grimbert, lors de ces célébrations grotesques, comment le peuple participe-t-il aux ébats de ces clercs ? L'église est pleine, les fidèles sont là et mangent dans l'église avec le pape des fous et ses suppôts. On gueuletonne, quoi, hein, vraiment dans l'église. On danse dans les cimetières, on danse dans le chœur, on joue aux dés dans l'église, enfin les jeux de hasard qui sont vraiment le symbole de la perversion. Et puis on y joue dans l'église. Et ça, ça provoque l'horreur des autorités ecclésiastiques. Et ce qui est étonnant, c'est que les habitants des villes, donc, parce que ça se passe essentiellement dans les villes, ces cérémonies de fête des fous, dans les grandes églises cathédrales ou les collégiales. Et peu à peu, sans doute avec le développement de la vie urbaine, hein, je pense, la fête se déplace sur le parvis. Et là, sur le parvis, on joue les mystères. Donc il y a en même temps une théâtralisation de la fête, avec les mystères entrecoupés, comme toujours, de l'intervention des fous. Toute la ville assiste, acclame, participe, injurie, crie, chante, enfin c'est la grande collectivité urbaine qui se retrouve. Mais dans ces sortes de manifestations qui sont le fait du clergé, en particulier du bas clergé, les confréries des sots ou des folles ne participent pas directement. C'est-à-dire que le bas clergé qui anime ces fêtes n'a pas d'autre activité, n'est pas organisé dans le reste de l'année. Non, justement. Alors c'est là où on peut distinguer deux types de sots de fous. Il y a ce qu'on appelle la fête des fous, qui est donc uniquement ecclésiastique, mais à laquelle participe toute la population urbaine. Et à côté de ces fous, qui sont des clercs, il y a des groupes d'hommes qui n'ont pas de rapport avec l'Église et qui ont pour fonction d'assurer à la cité ses jeux et ses divertissements, et en particulier au moment du carnaval. Ce sont, Martine Grimbert, les confréries de folles ou de sottes. Que sont ces confréries ? Ces confréries, ce sont des confréries de bourgeois, au sens médiéval, c'est-à-dire des habitants de la ville. En général, y participe essentiellement la catégorie la plus aisée de la ville, quand même. Les marchands, souvent, non pas les indigents. Mais on trouve quand même, par exemple, à Rouen, dans la confrérie des Connards, qui est une des plus célèbres confréries, Cornard ou Connard, on y trouve un membre du Parlement, c'est-à-dire donc l'élite quand même de la bourgeoisie urbaine, et puis un meunier, sans doute des environs de Rouen. Donc, un certain mélange social. Ces confréries sont réglées par un statut, est tout à fait bien intégrée dans le cadre urbain. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle bien fixe, qu'elles doivent participer aux fêtes et qu'elles ont même un certain nombre de droits. Dans beaucoup de cités, Martine Grimbert, la confrérie la plus importante est celle des Connards ou Cornards. D'où vient cette appellation étrange ? Disons que le mot connard provient du mot cornard, qui peut être dérivé de cornu, c'est-à-dire celui qui porte des cornes, c'est-à-dire aussi le cocu. L'autre possibilité qui est aussi valable et qui peut-être coexiste, c'est le mot cornet, c'est-à-dire l'instrument dans lequel on souffle et qui fait du bruit et qui est très utilisé en temps de carnaval, qui est un instrument de musique particulier au cycle de carnaval. C'est-à-dire ces instruments, en quelque sorte, un peu méprisables, que l'Église condamne en tout cas. Les cornards, nous les avons à Évreux et à Rouen. C'est essentiellement une confrérie normande. Alors, nous avons donc cette confrérie qui a à sa tête un abbé, des sots ou des folles. Et vous me dites que ces sociétés sont très organisées, c'est-à-dire que tout au long de l'année, elles se réunissent. L'apogée, c'est le carnaval. C'est-à-dire que leur rôle consiste essentiellement à organiser le carnaval. Mais on les trouve aussi à un autre moment de l'année, souvent, comme les deux maximums des traditions populaires de l'année, le carnaval et le mois de juin. Mai-juin, où on a aussi un certain nombre de fêtes, puisque l'abbé des Connards d'Évreux, je crois, est élu en juin, à la Saint-Barnabé. Mais dans la plupart des cas, l'élection du chef de ces confréries joyeuses se situe à la période carnavalesque. Donc, première tâche, organiser les festivités. Et puis, pendant toute l'année, prendre en charge aussi les autres fêtes. Et celui qui est élu roi des Connards ou abbé des Fous a un certain pouvoir pendant un an, donc jusqu'à l'autre élection. Un pouvoir qui est relativement restreint, mais qui est quand même un honneur. Un certain nombre de préséances. Et puis, ils ont le droit de relever des amendes sur les, par exemple, les mariages, les seconds mariages ou les mariages d'un jeune avec une vieille, enfin, ce qu'on appelle aussi les charivaris. Le droit de faire des charivaris ou sinon d'imposer une amende. C'était le droit de regard sur la vie morale de la cité. Oui, c'était même peut-être la terreur des citadins, enfin, parce qu'au moment de carnaval, les connards organisent ce qu'on pourrait appeler une chronique scandaleuse, quoi. De la ville. Un abbé des Connards a été élu donc abbé des Connards parce que il avait osé jouer sa femme au dé. Et alors on a reconnu que c'était vraiment lui qui était digne d'être abbé des Connards. Ces événements qui sont mentionnés, ce sont essentiellement des événements conjugaux et sexuels. Et je crois que c'est la reconnaissance d'un certain nombre de lois. Disons que la vie quotidienne pouvait peut-être oublier ou qui passait au second plan. Et là, on met au jour finalement ce qui leur paraît peut-être le plus important, c'est-à-dire les problèmes de la fécondité, les problèmes des relations hommes-femmes. Et puis dans le cas de cet abbé des Connards qui avait joué sa femme au dé, enfin, on peut peut-être finalement retrouver les thèses de Lévi-Strauss, quoi, sur la circulation de la femme dans la société. Parce que celui qui est élu abbé des Connards pour avoir joué sa femme au dé, il est glorifié. Et pourtant, bon, c'est un acte que la morale quotidienne aurait pu condamner. Bon, lui, au contraire, il est glorifié, mais dans un cadre bien particulier, qui est le cadre de la folie carnavalesque. Il est glorifié parce qu'il a mis sa femme en circulation. Il l'a remis. Et justement, ceci nous amène à parler de la condition des femmes dans ces confréries et dans ces fêtes carnavalesques. En réalité, est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur la place qu'occupent les femmes dans ces fêtes ? Il semblait, a priori, que les femmes étaient parfaitement exclues de ces confréries. Et même peut-être des festivités carnavalesques, sauf dans la mesure où elles sont spectatrices et qu'elles sont dans la ville, elles sont les passantes, elles sont dans la rue aussi. Mais elles ne sont pas à l'honneur. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont, dans le cadre, par exemple, du charivari, le mari qui est battu par sa femme, ce n'est pas la femme qu'on condamne, c'est le mari. C'est le mari qui est victime du charivari, qui est... lancé dans un drap qu'on fait sauter en l'air et qui retombe, c'est lui qui est victime de la moquerie, lui dont on se moque. Donc, c'est, il me semble aussi parfois une certaine reconnaissance du pouvoir féminin. Et d'autre part, dans le carnaval, il faut accorder une très grande place au changement des sexes, de l'opposition des sexes, dans la mesure où les déguisements sont très souvent des travestis. Et en particulier la compagnie de la mère folle à Dijon, on appelle la compagnie de la mère folle, mais c'est un homme qui est la mère folle. Alors c'est assez extraordinaire de voir à la fois l'exclusion des femmes de ces confréries dans l'organisation, mais en même temps, comme si les hommes faisaient tout pour leur ressembler. Et sur les reproductions de l'étendard dijonnais, c'est-à-dire du drapeau de la confrérie, c'est une femme qu'on voit, assise sur une espèce de nid, avec les jupes à moitié relevées, qui tient une marotte à la main, qui a des fous partout autour d'elle, qui sortent du nid sous ses jupes. Bon, et dans la réalité, c'est un homme. Et en plus, tout le carnaval, c'est aussi une autre connaissance, comme si les hommes enviaient les femmes et que pendant ce mois de carnaval, ils prenaient leur place, ils faisaient comme elles. Par exemple, on mange les aliments flatulents, les fèves, les pois, le lard, tout ça qui fait grossir. On gonfle, en fait, toute l'image du corps carnavalais, c'est une image d'un corps gonflé, qui va éclater. Une image d'accouchement, quoi, presque. Mais qui est réservée aux hommes. Alors, ici, se pose un problème très intéressant, me semble-t-il. Est-ce que vous avez le sentiment que le rôle important dévolu à la femme est la caractéristique de l'élément proprement populaire du carnaval? Moi, il me semble que c'est un phénomène populaire, et peut-être, mais enfin, disons que ce n'était pas encore possible de le prouver parce qu'on manque un peu de textes et de documents, mais peut-être aussi l'héritage d'un fond celtique, où dans la mythologie celtique, la femme a une très très grande importance. C'est la divinité féminine principale, la déesse mère. Un certain nombre de documents, oui. Martine Grimbert, semble montrer que la confrérie de la mère Sotte à Dijon a été fondée par la cour de Bourgogne elle-même. Elle a été fondée en 1381 par le comte de Clèves, qui est un allié du duc de Bourgogne. Confrérie, société de fous, qui s'est peu à peu transformée en confrérie de la mère folle. Mais disons que l'origine, c'est la société de fous fondée en 1381. Et dans ce cas, on a l'intervention assez directe des autorités de la classe aristocratique, même dans la création de ces fêtes. Mais le cas s'est déjà vu à Lille, en 1220, puisque la Compagnie de l'Épinette est fondée par Jeanne de Constantinople, je crois, qui dirige le comté. Donc on a déjà deux cas de création de ces confréries par des membres de l'aristocratie. Alors cette Compagnie de la Mère Folle, d'ailleurs, elle a un caractère peut-être un peu plus aristocratique, dans la mesure où son origine, on l'a déjà marquée, mais où d'autre part ses membres sont des bourgeois très aisés dans l'ensemble. Ce sont souvent des vignerons aussi, mais relativement aisés, donc de la région de Dijon. Et ces statues qui sont mieux connus que ceux d'autres confréries, apparaissent aussi relativement répressifs. Disons que c'est une confrérie moins souple que les autres, en apparence, et peut-être un peu moins populaire au sens large. Ce mot de sot ou de fou, il est pour nous aujourd'hui quelque peu déconcertant. Dans la tradition classique, nous avons deux images du fou. Celle du personnage grotesque qui est attaché aux grands de ce monde et qui est chargé de les distraire. Victor Hugo, comme Shakespeare, nous en ont laissé de mémorables portraits. Et puis, il y a l'image de l'innocent, celui chez qui les lumières de la raison se sont obscurcies, celui dont le regard s'est couvert de ténèbres. Or, le fou de carnaval n'appartient, Claude Gagnebé, ni à l'horizon du divertissement, qui est remède à l'ennui, ni à l'horizon de la démence, qui est refus de la réalité quotidienne. Le fou n'est absolument pas, dans la plupart des textes médiévaux, lorsque l'on parle soit de la fête des fous, soit du fou de carnaval, Le fou, ou le sot, ou le Jean, Jean voulant dire l'homme trompé dans les textes médiévaux. Ce ne sont absolument pas ni les bouffons de cour, avec lesquels ils sont confondus à une certaine période, ni, surtout, le fou médical. Il faut bien comprendre que les fous, ce sont généralement des gens très sages durant toute l'année, qui font partie d'une confrérie. Nous verrons quels sont les noms de ces confréries et quelles sont leurs attributions, qui fait donc partie d'une confrérie et qui va, au cours de plusieurs fêtes de l'année, intervenir, généralement pour représenter des scandales qui ont eu lieu pendant l'année, sur un théâtre ambulant, très souvent, ou à l'intérieur d'une grande salle. Et on va donc, à ces dates précises, exercer un rôle qu'on pourrait appeler un rôle moral, un rôle de contrôle de la moralité publique. On a assez peu de documents, malheureusement, sur le fonctionnement précis des confréries de fous. On a des descriptions de leurs activités, mais on a quelques détails. Dans certains cas, c'est le cas par exemple de la confrérie des connards ou cornards de Rouen au Moyen-Âge, on a quelques détails sur leur statut, sur les édits qu'ils arrivent à faire voter par le Parlement de Rouen, relatifs au port des masques en carnaval par exemple. Mais ces confréries facétieuses ont été étudiées de manière détaillée, mais je ne pense pas que l'on ait suffisamment essayé, dans la mesure où elles existent, de retrouver leurs archives. Parce que ce sont des confréries comme les autres, au même titre que les autres. Ce sont des confréries qui vont entretenir des relations assez précises avec, par exemple, l'autorité ecclésiastique, qui vont jouer un rôle social très précis. Ces fous vont intervenir, d'une part, bien entendu, date essentielle, le carnaval, mais aussi à d'autres dates, plus particulièrement le 1er mai. Le 1er mai, ils vont, là aussi, faire un certain nombre de défilés où on va représenter l'homme trompé, par exemple. On va les retrouver dans la période du Jeudi Gras. Alors, si nous cherchons la signification de ces trois manifestations exemplaires, celle de la fête des fous qui se situe après Noël, celle du carnaval et celle du 1er mai, quelles sont les différences essentielles qu'il y a entre elles, sur le plan de la signification? La réponse est difficile, parce que, d'une part, on peut quand même estimer que des fêtes où apparaissent des personnages appelés fous ont entre elles un lien. Quel est ce lien? Il y a un lien assez curieux, sur lequel je crois il faut insister, qui est le lien entre le 1er mai, qui est une date fixe, et le début de février, qui correspond à la date la plus fréquente de carnaval. En effet, nous avons indiqué que carnaval commençait souvent le 2 février. Or, le 2 février est la première date possible du Mardi Gras. Autrement dit, il est très possible, et le cas est arrivé dans l'histoire, que Mardi Gras et Chandeleur soient confondus. C'est quelque chose qui n'a pas été remarqué par les folkloristes. Et c'est assez étrange, parce que les coutumes de la Chandeleur, date fixe, et celles du Mardi Gras doivent être comparées. Et on s'aperçoit, ne serait-ce qu'au niveau d'une coutume que nous connaissons bien, qui est celle des crêpes. On s'aperçoit que l'on a les mêmes coutumes. Autrement dit, qu'un certain nombre de faits rituels relatifs au carnaval se sont fixés à la première date possible et que d'autres faits vont se déplacer, avec les phases de la lune, vont se déplacer à carnaval. Et si j'insiste sur cette relation, c'est que la différence entre le 1er mai et le début de février est de 9 mois. Et cela permet de résoudre, disons, un petit mystère folklorique. Vous savez qu'au 1er mai, il y a d'une part des fêtes de jeunes gens qui interviennent et qui vont porter des mets aux jeunes filles. D'autre part, il y a la fête de la mariée de mai. On habille une jeune fille en mariée et elle va quêter. Donc, il y a un aspect populaire, sexuel, très net. C'est la fête des jeunes gens. Or, d'autre part, il y a un interdit ecclésiastique sur le mariage en mai, très important, à tel point que non seulement on le justifie par le fait que le mois de mai est le mois de Marie, mais on affirme que quelqu'un qui se marierait en mai aurait des enfants sots, idiots, des ânes. En effet, que se passe-t-il? S'il y a fécondation en mai, il y a naissance au début de février. Les enfants vont donc naître en plein carnaval, en pleine fête des fous de carnaval. Ils vont donc être considérés comme subissant l'influence de ces fêtes et donc comme pouvant être fous. Il y a donc là un rapport entre ces deux dates importantes d'activité des fous et d'activité de confrérie, qui là sont dans les deux cas les confréries de jeunesse. C'est-à-dire un groupe organisé qui s'appelait dans le Midi de la France la jeunesse, avec un grand J. C'est un groupe très organisé qui va intervenir à ces deux périodes de l'année. On a pu l'étudier parce que l'on possède des documents d'archives assez importants, surtout dans le Midi de la France, ce que l'on appelle les abbayes de jeunesse. On les appelle abbayes tout simplement parce que leur chef était nommé abbé. Il pouvait parfois être nommé prince. On a aussi le titre de prince de jeunesse. Il peut être nommé roi. Je ne pense pas qu'il faille donner une grande importance à ces titres. Mais l'abbé de jeunesse s'appelle, dans certaines régions, à Grenoble par exemple, l'abbé de Malgouverne. Et là, sûrement, nous avons un phénomène assez proche de celui du pape des fous, par exemple, puisque l'abbé de Malgouverne va être celui qui va diriger un gouvernement facétieux. Gouverne doit être compris dans ce sens de gouvernement, de groupement, et ce gouvernement facétieux va sanctionner les scandales de l'année. On a une description du XVIe siècle assez intéressante pour un groupe qui est issu de ces groupes de jeunesse et qui est le groupe de la basoche. Les basochiens sont les clercs du palais. Ils vont eux aussi s'organiser et plus particulièrement donner naissance à un théâtre de farces et de sotties qui insistera sur l'ensemble des faits de nature essentiellement érotique ou scatologique qui ont pu défrayer la chronique d'une ville pendant toute une année. Et un auteur du XVIe siècle nous évoque la manière dont un basochien s'amuse à représenter un scandale qui avait eu lieu dans la petite ville de Poitiers. À Poitiers, un boulanger avait mis enceinte sa servante. Il ne voulait pas l'avouer, il essayait par tous les moyens de tenir la chose secrète. La chose se sait, et un jour de Mardi Gras, Maître Pierre Feffeu décide de s'habiller en boulanger. Il va défiler sur une charrette à travers la ville, représenté dans des positions qui ne laissent aucune ambiguïté sur son activité, avec un de ses amis déguisé en servante, et tout le monde va reconnaître le boulanger, auteur du scandale. Le personnage du meunier que nous voyons apparaître avec Pierre Feffeu marque bien le passage entre le carnaval des campagnes et le carnaval urbain. Le Meunier, sujet de tant de contes grivois et de chansons libertines, appartient en effet à la fois au monde de la campagne et à celui de la ville. Il est l'homme du blé, mais il est aussi l'homme de la boulangerie. La métamorphose du visage du Meunier, que l'on retrouve partout dans les fêtes de carnaval, indique bien le passage de la fête rurale à la fête urbaine. Or, la fête urbaine, c'est celle des bourgeois, des habitants des bourgs. Mais ces bourgeois, Martine Grimbert, ils n'inventent pas, à partir de rien, leur spectacle et leur folie. Ils sont tout proches encore de leur terre, des travaux de la terre. Le carnaval rural est organisé d'une façon assez différente du carnaval urbain. Je pense là simplement aux deux carnavals que j'ai vus récemment, à Binche, où je suis allée l'année dernière, et cette année à Prats de Molliévaux. Eh bien, je crois qu'on retrouve la même opposition, la même différence entre le carnaval urbain et le carnaval rural. C'est-à-dire un carnaval rural qui est organisé en fonction d'un certain nombre de lois naturelles. Plus naturel, disons en contact plus direct avec la nature, avec l'univers, avec le cosmos, quoi. Et dont la signification est beaucoup plus sacrée, peut-être, et dont la structure sociale est essentiellement fondée sur les catégories d'âge, puisque les premières organisations, ce sont les abbayes de jeunesse, donc des groupes de jeunes, dont le carnaval peut-être marque un rite de passage vers la deuxième étape qui est le mariage et la naissance ensuite. Et ça, à Prats de Molo, je l'ai vu. C'est-à-dire que tous les jeunes gens participent, sans distinction sociale. C'est-à-dire qu'aussi bien les pauvres que les riches font partie du groupe des jeunes gens et organisent le carnaval. Alors qu'à Binche, par exemple, et c'est la même chose dans les villes médiévales, à Binche, on a une évolution de ces catégories d'âge vers des groupes socio-professionnels. C'est-à-dire que les confréries, qui peut-être au départ regroupaient essentiellement les jeunes hommes, peu à peu modifient leur contenu et regroupent soit la catégorie la plus riche de la ville, les marchands les plus riches ou les artisans les plus riches, soit maintenant intègre non plus seulement les jeunes, mais aussi des gens plus âgés. Donc, si vous voulez, la classe d'âge n'a plus du tout la même signification dans le cadre urbain, c'est normal. Et à Binche, les Gilles, qui sont les grands organisateurs des festivités carnavalesques, les Gilles, ce sont les gens les plus riches, parce que leur costume, d'abord, coûte très cher, leur chapeau à plumes est très cher, il m'a donné un chiffre de 300 000 francs, je crois, donc c'est relativement élevé, et tout le monde ne peut pas être Gilles. Donc là, on a déjà une modification du carnaval dans le cadre urbain. Et je crois que c'est intéressant de voir au Moyen-Âge comment la ville a pu, puisqu'il participe aux fêtes, il les contrôle, ils sont présents dans le déroulement des festivités, ils donnent même des subventions. Et je crois que c'est une façon, d'abord, pour la ville de s'affirmer. Donc, culturellement, non pas tant en face de la campagne, qui est encore bien proche de la ville, mais de s'affirmer justement en face des autorités, c'est-à-dire du pouvoir royal, du pouvoir féodal, de l'Église. Parce que la culture dominante, c'est la culture savante, c'est essentiellement une culture ecclésiastique. Donc, les habitants de ces villes commencent peu à peu à prendre un pouvoir économique, à renforcer leur cohésion, et ils ont besoin, contre cette culture ecclésiastique, d'une culture laïque qui corresponde à leur mode de vie, à leurs préoccupations. C'est-à-dire qu'au fond, cette culture dont le carnaval est le symbole a une fonction politique. Avant que le carnaval se constitue en force d'opposition politique, c'est la récupération peut-être d'une ancienne religion, mais surtout l'affirmation d'une autre vérité que la vérité officielle qui règne. d'un autre système de valeurs. C'est le pays de Cocagne, c'est-à-dire que c'est l'abondance, c'est l'homme qui a un contact avec la nature beaucoup plus direct. C'est le corps dans ses relations avec le monde, le corps qui mange le monde, puisque le carnaval, c'est la période où on mange, où on engloutit, enfin plus que manger même, où on rejette. C'est comme une espèce de reconnaissance de ce cycle qui va de l'homme à la terre. Et la reconnaissance de cette terre même, de la relation du corps de l'homme avec le grand corps du monde. Et puis, peu à peu, justement, dans le cadre urbain, une modification s'opère dans la structure politique, dans la structure idéologique plutôt du carnaval, c'est-à-dire qu'il devient un instrument de contestation politique. Parce qu'à ce moment-là, il sert à une classe sociale qui est la bourgeoisie urbaine et qu'elle s'en sert contre quelque chose qui est la culture savante, qui est la culture du clergé et de l'aristocratie. Et cette modification, on la voit très bien dans les déroulements même de carnaval parce que les thèmes politiques apparaissent fin 15e, fin 14e plutôt même déjà, mais se renforce d'une façon très nette au 15e et au 16e. Fin 15e, par exemple, je pense à Caen, où l'université avait été d'abord sous l'autorité anglaise, qui ne lui faisait pas payer d'impôts. Et puis elle est passée sous l'autorité française, qui à ce moment-là a voulu lui imposer un impôt. L'université de Caen a protesté. Mais elle a protesté dans le cadre du carnaval. C'était une des premières utilisations de carnaval comme instrument de contestation politique. C'était en 1492. Les écoliers de l'université de Caen ont joué une pièce qui s'appelle « La farce des patointes », qui représente la mère, l'université, les écoliers, et où finalement toute la revendication de l'université sont jouées sous la forme d'une farce en plein carnaval de 1492. Et puis, on a d'autres cas ensuite, dans le cadre du théâtre carnavalesque, qui a subi la même évolution. Premier stade du théâtre, le jeu de mots. C'est d'abord le jeu de mots, c'est la fatrasie, c'est-à-dire les fatras. C'est-à-dire des choses qui, en principe, n'ont pas de sens, qui sont invraisemblables, impossibles. C'est le pays de Cocagne mis en mots, quoi. Par exemple, le tableau de Bruegel, tout simplement, le cochon qui se promène avec le couteau planté sur le dos pour qu'on se serve directement. Parce que pas besoin de passer par l'intermédiaire des marchands, des charcutiers. Disons que la nature s'offre directement à l'homme. Et puis les hommes endormis sous l'arbre, enfin le repos, le bonheur peut-être. Loi qui est vivante mais qui a déjà son cou posé en rond dans l'assiette pour être prête à manger. Ou l'œuf qui se promène avec une cuillère et prêt aussi à être mangé par l'homme. Ça c'est le premier stade du théâtre carnavalesque, qui se perpétue d'ailleurs par la suite, mais qui est donc d'abord un jeu de mots ou un jeu de l'imaginaire. Et ce qu'on appelle les fatrasies, c'est aussi des concours de mensonges qu'on faisait au moment de carnaval. Alors on avait deux participants qui faisaient un concours de mensonges qui consistait donc à dire le plus grand nombre de mensonges possible. Et à un rythme assez rapide, en vers. Ce sont des mensonges du style « Je viens d'un pays où j'ai vu les brebis courir après les loups. » Moi, j'ai vu une rivière qui prenait feu. J'ai vu un poisson qui marchait sur la terre. C'est-à-dire que ce sont les lois naturelles qui sont complètement inversées. Dans cette fureur carnavalesque compte la parole du monde, celle des hommes, celle des choses. Étrange musique en vérité, On l'appellera musique des ténèbres, parce qu'elle emprunte ses sonorités principales aux objets quotidiens, les plus dérisoires apparemment, les chaudrons, les casseroles, les grelots. Jean-Dominique Lajoux, à travers les fêtes populaires d'aujourd'hui, a tenté de retrouver ce qu'était cette musique des ténèbres, ce bruit des casseroles et des chaudrons. Journée du monde à l'envers, journée de l'inversion, le carnaval est lié à une ambiance sonore très spéciale. Les hommes travestis doivent contrefaire leur voix et imiter la voix de femmes. Les hommes déguisés doivent transformer leur voix pour ne pas être reconnus. Voici, par exemple, une contrefaçon enregistrée dans le Pas-de-Calais. À côté de ces piaillements caractéristiques ou de la musique flonflonnante des orchestres qui accompagnent les groupes, les carnavaleux éprouvent le besoin de faire du bruit, de faire beaucoup de bruit. Tant et si bien que les habitants de Châtillon-sur-Seine, par exemple, ont appelé leur carnaval le tape-chaudron. Il faut noter que la municipalité, prévoyant bien les choses, apporte sur la place un camion de boîtes et de morceaux de bois afin que chacun des habitants puisse avoir son instrument lors de la crémation du carnaval. Voici un autre vacarme produit dans un carnaval des Pyrénées. En dehors de ces bruits, de ces musiques, le carnaval a bien sûr produit également des chansons. Il y a celles qui chantent le carnaval. Il y a aussi celle qui glorifie l'obscénité et la scatologie. Enfin, pour conclure, il y a cette constante du phénomène sonore de carnaval qui reste profondément troublante. Les mêmes incantations aux deux extrémités de la France, chantées pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour le carnaval. Hey! Dans les fêtes carnavalesques, les hommes cherchent à retrouver les énergies diffuses de la création, à capter ces forces multiples qui donnent à l'univers sa couleur, son mouvement. Il s'agit d'un échange. Pour nier ses limites, pour refuser la réalité, il est nécessaire dans le carnaval de devenir autre. Et c'est une des fonctions du masque et du déguisement. Retrouver l'union avec la nature, c'est tenter de se confondre avec ce qui paraît le plus proche d'elle. C'est ce que propose aux humains le monde animal. Et carnaval est une grande zoologie magique. Mais chacun de ces animaux a sa signification. On ne se déguise pas par hasard, on ne se déguise pas impunément. Et c'est maintenant dans le bestiaire carnavalesque que nous allons pénétrer. Claude Gagnebé, carnaval est sans nul doute la fête qui accorde la plus grande part à cette relation avec le paysage mouvant du règne animal. Essayons maintenant d'en lire les figures majeures. C'est la période où les hommes se font animaux. Pas n'importe quel animal. Il y a des animaux de carnaval. Par exemple, je ne pense pas que l'on ait une description ancienne parlant d'un homme chien. Même les hommes loups, je ne vois guère de cas d'hommes loups apparaissant dans le carnaval. Ça a affaire à une toute autre sphère, disons, qui peut être celle du loup-garou, mais on ne peut pas supposer que le loup-garou ait pu naître en carnaval, disons. Il y a, au contraire, d'autres déguisements qui vont apparaître dans tous les carnavals. Depuis la Grande-Bretagne, par exemple, jusque en Chine. C'est le cas du cheval. Le cheval apparaît essentiellement sous la forme que l'on appelle le cheval jupon. C'est-à-dire que l'homme met autour de sa taille une légère armature d'osier qui possède à l'avant une tête de cheval et à l'arrière une légère queue. Et avec cela, il va imiter les cabrioles du cheval. Le cheval jupon a été très très étudié. Il a été très étudié et il a donné naissance à plusieurs types d'explications. Par exemple, une explication ancienne, qui était celle de M. Dumézil, consistait à affirmer que le déguisement en cheval jupon, que l'on retrouve dans tout le domaine indo-européen, était l'équivalent des centaures, ou d'êtres appelés gandarois, et qui sont les centaures de l'Inde ancienne. Il y a eu non seulement des réticences, mais même des oppositions à cette thèse, qui n'est peut-être d'ailleurs plus actuellement celle de son auteur. En effet, qu'observe-t-on ? On observe des gens déguisés en cheval jupon, le hobby horse en Angleterre, le cheval apparaît par exemple aussi comme un personnage important du carnaval polonais. On observe donc tous ces déguisements, avec bien souvent un homme qui conduit le cheval, qui lui présente de l'avoine à manger, le cheval se dérobe, fait des ruades, et souvent on le ferre ou on le castre. C'est ce que l'on peut observer, cette castration par exemple, dans l'actuel carnaval basque, dans ce que l'on appelle les mascarades dans la région de la Soule, les mascarades soulétines. On a pu penser aussi qu'il s'agissait d'anciens rites d'origine néolithique qui auraient conservé le souvenir de l'apprivoisement du cheval. C'est-à-dire que cet homme qui présente de l'avoine à un cheval, c'est en fait le souvenir, disons, transformé en rite, du premier homme qui, pendant longtemps, a cherché à attirer peu à peu un cheval en lui présentant de la nourriture et peu à peu à le domestiquer. Van Gennep avait lui aussi une thèse. On appelle le premier dimanche de carême, qui est un dimanche où un certain nombre de fêtes carnavalesques ont lieu, on l'appelle le dimanche des béordis ou béourdis. Or, Béordé, le béour, désigne au Moyen Âge, un combat qui se fait généralement avec des lances, mais des lances non épointées, enfin des lances peu dangereuses. C'est, disons, l'entraînement au tournoi. Et on sait que le béhour, ces sortes de tournois, avaient lieu populairement. Et Van Gennep pense qu'au cours du Moyen Âge, le peuple a en quelque sorte imité facétieusement les tournois auxquels il pouvait assister. Et comment faisait-il ? Deux hommes se déguisaient donc en cheval-jupon, et puis, avec de grandes démonstrations et de grands cris, se précipitaient l'un sur l'autre, rompaient de petites lances. Généralement, ils se mettaient sur la tête un casque fait d'un panier. Ils prenaient comme un vieux panier percé aussi, qui leur servait de bouclier, et ils se précipitaient l'un sur l'autre en se moquant des grands coups des chevaliers. Le cheval joue, dans l'ensemble des coutumes indo-européennes, c'est bien connu, un rôle important. Vous savez qu'il y a un certain nombre de coutumes hindoues pour la désignation du roi, où la reine va être couverte par un étalon, enfin symboliquement. Donc, là, très probablement, il y avait un rapport entre le cheval et le pouvoir royal. Très net, dans le monde indo-européen, je crois que c'est indubitable. On savait que l'empereur ou le général vainqueur reçoit le triomphe, reçoit les honneurs du triomphe. Et un peu plus tard, au niveau des Byzantins, très évidemment, le triomphe de l'empereur, au point de vue iconographique, va reproduire l'ascension d'Hélios dans son quadrige ou l'ascension de Mithra. Et il y a à tous ces niveaux, sûrement, un certain nombre de connexions, telles que le cheval est considéré comme l'être qui va vous emporter dans un au-delà dangereux ou un au-delà héroïque. Un au-delà dangereux, parce qu'il y a ce conte répandu dans toute la France, qui est le conte du drac. Des enfants rentrent le soir, voient un cheval qui va leur permettre de passer le gué. Ils sont quatre, le premier monte, et le second dit « Ah, est-ce que je vais avoir la place de monter ?» Il monte, et en fait, la place augmente. Autrement dit, la bête s'allonge au fur et à mesure que l'on monte sur elle. Et au dernier moment, lorsqu'ils sont là tous les quatre, ils se disent quand même, c'est bien bizarre, un cheval qui nous porte à quatre. L'un d'eux pense à signer au moment où le cheval commence à s'enfoncer dans l'eau, et le cheval disparaît. C'était bien entendu le diable. Ce cheval a aussi énormément retenu l'attention de toute une école, qui est l'école de la mythologie française. Puisque l'école de la mythologie française a beaucoup insisté, d'une part, sur les marques que l'on retrouve un peu partout en France, soit de l'âne de Saint-Martin, soit du cheval Bayard. Le cheval Bayard, bien entendu, qui apparaît non seulement dans le roman médiéval des Quatre Fils Aymon, mais qui va marquer son sabot dans toute une série de sites en France. On va voir l'empreinte du sabot sur les rochers, un sabot énorme qui va marquer son empreinte. Et généralement, c'est un sceau, c'est le thème du sceau qui va être évoqué à ce niveau. Ce cheval joue aussi un rôle important, et même chez Rabelais on le voit apparaître, comme cheval de Gargantua. Dans les grandes chroniques, Merlin utilise les ossements de deux baleines, une mâle et une femelle, qu'il emmène sur une haute montagne d'Orient. Il soumet ces ossements à l'action de deux marteaux magiques qui frappent pendant plusieurs jours, il utilise donc la montagne comme enclume. Et je pense que c'est un thème important. Et de ces deux ossements de baleine vont provenir Gallemel et Grand Gousier, les deux parents de Gargantua. Mais il reste à transporter Gargantua et ses deux parents vers l'Occident. Et il y a un voyage vers l'Occident, qui est un thème très intéressant, qui se fait de quelle manière ? Les deux parents vont monter sur une jument monstrueuse qui est faite avec les ossements d'une jument que l'on a soumis au même traitement des marteaux. On voit donc Gargantua qui suit derrière. C'est un petit garçon et comme toujours, il est muni d'un arbre qui lui sert à toucher le cheval. Et ses deux parents sont montés sur la jument. Avant de partir, thème assez curieux, Merlin leur dit qu'il leur faudra montrer leur force au roi Arthur et qu'en conséquence, ils doivent mettre sur leur tête d'énormes rochers. Ils prennent donc chacun un énorme rocher sur la tête. Ces deux rochers, nous les retrouverons bien plus tard. Le voyage vers l'ouest, comme tout voyage vers l'ouest dans le monde indo-européen, ne peut se terminer qu'au bord de la mer. Nous arrivons dans l'au-delà celtique, en Finistère. Et cet au-delà, ce sera, dans ce cas précis, les deux rochers qui seront déposés et où d'ailleurs les deux parents de Gargantua vont être enterrés, c'est-à-dire le rocher de Tomblaine et Saint-Michel. Tomblaine où sera enterrée la mère de Gargantua, Saint-Michel, son père. De cette importance du cheval en carnaval, les fêtes de Valenciennes, qui sont réglées par le roi de l'épinette, nous donnent un témoignage exemplaire. Car c'est autour du cheval que s'assemblent, en un damier symbolique, toutes les autres figures du carnaval. Le roi de l'épinette se présentait aux joutes à cheval et armé. Il était couvert d'un surtout de satin blanc. Son cheval était armé et houssé de même, jusqu'à terre, ayant des houppes, sonnettes dorées, morillons dorés, bien emplumacés. Ses gros varlets le suivaient, accoutrés aussi de jupons de soie verte. Les premiers jours de la fête, le roi était simple spectateur des joutes, mais les quatre derniers, il se trouvait dans les lices avec le victorieux pour combattre à tout venant. Des troupes de jouteurs accouraient des villes voisines à ces jeux. Leurs habillements étaient bizarres. Les uns venaient vêtus en moines blancs, d'autres en esclaves ou en chevaliers errants, sans bannière et cherchant aventure. Le roi de l'épinette allait au-devant de toutes ses compagnies en habits singuliers ou extraordinaires. L'entrée de jouteurs, la plus célèbre, est celle qui se fit en 1438 par les habitants de Valenciennes. Il suffit d'en rapporter quelques traits, on pourra avoir une idée de toutes les autres. 24 jouteurs de Valenciennes parurent à Lille habillés en hommes sauvages, leurs chevaux étant couverts de peaux de bêtes étrangères ou de plumes d'oiseaux, leurs massues et leurs écus étant environnés de roseaux. Des trompettes et un héros d'armes vêtu d'une peau d'ours précédaient ce cortège brillant pour ce temps-là, car on n'avait encore ni assez de goût, ni assez d'art pour savoir embellir ces sortes de fêtes. Au milieu des jouteurs était un chariot où il y avait une ville avec 7 demoiselles portant leurs armes et banneroles, et au bout était Jeanne Grébert portant la bannière de Valenciennes, chose fort étrange et belle à voir. Le roi de l'épinette sortit de la ville avec nombreuses compagnies, à cheval et à pied, pour aller au-devant des jouteurs de Valenciennes. Son cheval était couvert de plumes de cygne, de paon et de miroir. Ses pages et ses laquais étaient aussi habillés avec des plumes d'oiseaux. Ces deux troupes se joignirent hors des portes et rentrèrent dans la ville au bruit des instruments. Les autres villes cherchaient à imiter ce faste ridicule et à se surpasser dans ces sortes d'occasions. Il faudrait, bien entendu, voir en détail les légendes aussi des saints équestres. Puisque certains saints, Saint Georges bien entendu et son dragon, on sait qu'ils ont eu un sort malheureux récemment, très simplement parce qu'il reproduisait de manière trop ingénue la légende de Persée. Mais il y a d'autres saints équestres. Je pense à Saint Jacques, qui est très important. Saint Jacques, en tant que Saint Jacques Matamor, apparaît sur un cheval blanc au cours de certaines batailles. Et lorsqu'il transporte les pèlerins, Saint Jacques, puisque Saint Jacques va apparaître mythiquement, lorsqu'il transporte les pèlerins, il les transporte sur un cheval blanc. Et on a, dans la légende dorée, un cas très curieux, puisque c'est le trajet exactement inverse de celui de Gargantua. C'est-à-dire que c'est un groupe de pèlerins qui arrive au bord de la mer à Saint-Michel, et l'un des pèlerins tombe malade. Or, ils avaient décidé de ne pas s'abandonner. Tous partent, sauf un seul, qui reste auprès du mourant. En pleine nuit, Saint Jacques lui apparaît, lui dit de monter sur son cheval et d'un bond dont on mesure aisément l'ampleur, il va du mont Saint-Michel à Saint-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire qu'il relie deux Finistères celtiques. Il les relie comment ? Très simplement, par l'intermédiaire de la voie qui est celle de Saint-Jacques, c'est-à-dire par la Voie lactée. Et on voit là, je crois, deux trajets qu'on pourrait appeler symétriques et inverses, qui sont ces deux trajets dans l'un et l'autre sens, dans un cas du nord au sud, dans l'autre cas du sud au nord, qui participent très certainement de l'héroïsation équestre. Ce cheval carnavalesque, il faut en retrouver l'héritage dans le cheval de bois qui, avant l'apparition des modèles réduits d'auto ou de camion ou de chemin de fer, fut longtemps le jouet premier des petits-enfants. Il faut aussi retrouver cet héritage dans les chevaux de foire, dans ces gros animaux de carton ou de bois des manèges forains qui tournent au son des limonaires. Mais à côté du cheval, il est un animal qui occupe une place privilégiée dans l'univers enfantin, celui des jouets, mais aussi celui des contes. Un animal qui peut-être est le lien le plus tenace qui nous unit au plus lointain de nos ancêtres, c'est l'ours, qui occupe grande place en carnaval. Nul animal, sans doute, n'a habité pareillement l'horizon archaïque de notre espèce. Et par les oursons enfantins, il est encore parmi nous, Claude Gagnebé. L'ours apparaît, par exemple, dans le carnaval tchèque. Et là encore, on a pu chercher à en déterminer l'origine. En France, l'ours apparaît surtout dans les fêtes de la Chandeleur. À ce moment-là, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, un certain nombre de jeunes gens se déguisent en ours, ils vont hors du village pour s'habiller et ils font ce que l'on appelle le jeu des ours. En quoi consiste ce jeu des ours? Les jeunes gens sont revêtus de peau de mouton, fraîche, ils ont le visage entièrement barbouillé de noir, ils ont en main de gros bâtons et brusquement, au début de l'après-midi, ils fondent sur le village, poursuivent tous les gens, mais spécifiquement les jeunes filles, et cherchent à les barbouiller. Ils sont accompagnés de chasseurs, et ces chasseurs, de temps en temps, tirent, et les ours s'abattent comme s'ils étaient morts, puis ressuscitent et se remettent à poursuivre les gens. Ceci toute l'après-midi. On a des descriptions assez anciennes de ce jeu des ours. Il est difficile de savoir quel est le sens exact de cette coutume. Mais on peut être au moins certain d'une chose. C'est que cette coutume correspond à un dicton, qui est le dicton des ours à la chandeleur. Ce dicton est un dicton européen général. On le retrouve depuis l'Angleterre jusque en Hongrie, en Italie, où il a été bien étudié. Ce dicton affirme que le jour de la chandeleur, l'ours sort, regarde le temps qu'il fait. S'il fait clair, s'il voit son ombre par exemple, il rentre et il y a encore 40 jours d'hiver. S'il fait sombre, il sort et c'est la fin de l'hiver. Et vous vous souvenez que nous avons dit que les fêtes de Chandeleur Mardi Gras étaient des fêtes de printemps. On voit donc ce que cela veut dire au point de vue populaire. Il y a un printemps populaire qui est un printemps qui apparaît donc soit le jour de la Chandeleur, soit 40 jours plus tard. C'est ce que l'on pourrait appeler le printemps de l'ours. Or, que font les ours? Ces jeunes gens déguisés en ours. Il faut qu'ils sortent pour que le printemps arrive. Et il leur faut donc qu'autour d'eux, tout soit sombre. On comprend alors qu'ils barbouillent en noir tous les gens qu'ils rencontrent. C'est en effet la condition de leur sortie. Si au contraire, c'est le triomphe des Blancs, parce qu'ils sont entourés de personnages, d'une part les chasseurs qui maintenant ont des déguisements très peu spécifiques, mais ils sont entourés de personnages qu'on appelle maintenant les docteurs, mais qui sont les barbouillés en blanc, les enfarinés, les pierrots lunaires du carnaval. Et ces personnages, ils vont lutter contre eux. Quand ça vous avez commencé pour l'ours? 15 ans que j'ai fait l'ours. M'achirai beaucoup de femmes, les fesses, le genou, le menton. Qu'est-ce qu'on faisait aux femmes quand on était ours? Je lui m'achirai justement les fesses. Parce que de la figure de fois, je n'en voulais pas, alors je mettais la main en bas. Proprement au côté du genou, là, aux fesses. Quoi. Et on le faisait comme maintenant, exactement? Pareil, plus joli que maintenant. Mais vous montiez au fort ou bien? Ah oui, toujours. Il n'y avait pas de cabane sur la place? Il y avait des cabanes sur la place, mais au fort, on cassait la croûte au fort. On descendait en roulant du fort jusqu'au cimetière, là. En roulant les deux ours ensemble ou? Ensemble, deux fois ensemble et deux fois un par un. Mais presque tout ensemble. Avec les hommes? Avec un chasseur? Avec les chasseurs. Avec le chasseur. Il y avait des chasseurs à ce moment-là. Une quinzaine ou 20 de fois. Les femmes, elles montaient là-haut? Ah oui, ils montaient. Il y en avait qui descendaient sans culottes, sans rien, sans pyjama, à poil. Ils arrivaient au cimetière. Ils se sauvaient pour toute la nuit. Après le lendemain, on recommençait là. Le cinéma là, de se masquer tout ça. Tout le monde en colère. Même 3 jours sans se coucher la nuit. Dites-moi, l'ours, lorsque vous barbouillez la figure, de quelle couleur c'était noir aussi ou... C'était du noir de fumée, de l'huile comme ça. Oui, bien noir, mais il n'y avait pas d'autre couleur. Non, pas d'autre couleur. Couleur noire. Une fois, il y avait eu des couleurs de rose et de vert, tout ça, mais ça restait au moins 15 jours sur la figure, de, même avec le type, ils ont changé la peau. C'était pas du noir de fumée, ça. Lui le faisait bien, alors, hein, vraiment. Alors, lorsque l'ours court après quelqu'un pour le barbouiller, est-ce qu'il le fait sur la commande de d'autres des personnes fois, mais est-ce que c'est lui? On le fait sur la commande d'une autre, mais l'ours, quand il voit quelque chose que ça vous plaît, il court dessus. Mais sans faire de mal à personne. Par exemple, vous voyez une personne habillée un truc comme ça, il faut être très poli, un truc comme ça sur la figure, mais pas de marcher le costume ni rien, parce qu'on a eu de procès verbal avec ça. Hein. Mais non, mais de mes collègues ont eu de reproches et des embêtements. Parce que vous voyez une femme habillée, il faut pas la tenir par terre, il faut pas lui mettre le main, sala, sur le menton, sur le vêtre, un truc comme ça. Arles-sur-Tech. On possède un jeu très curieux. Un certain nombre de déguisés, que l'on appelle les tortues, sont enveloppés dans de grands draps, formant un cylindre. Ils sont barbouillés de blanc et ils entourent l'ours. L'ours, avec une grande badine, cherche à leur faire rentrer la tête. Autrement dit, on voit sortir de temps en temps une tête lunaire, blanche, qui, sous la baguette de l'ours, va rentrer rapidement. Et on comprend en effet que ce blanc peut être bien lunaire dans la mesure où on pense que le soleil de l'ours est la lune. Que ce blanc va être en quelque sorte effacé par l'ours qui désire sortir et ainsi amener le printemps. Le conte de Jean de l'Ours est très probablement le conte le plus répandu et véritablement un des contes les plus populaires dans tout le domaine indo-européen. C'est l'histoire d'un homme très fort qui s'appelle Jean. Il s'appelle Jean depuis la Bretagne jusque dans le domaine slave. On a toujours ce même Jean. Et il est fils d'une femme et d'un ours. Une femme a été emmenée par un ours où elle s'est réfugiée dans la caverne d'un ours. Et elle a un fils très fort qui se fait aider par un forgeron au cours du début de ses aventures, qui va pénétrer dans le monde souterrain, libérer une princesse, généralement tuer quelques dragons, bien entendu, et qui va réussir à remonter du monde souterrain, généralement sur un aigle énorme, et enfin punir ses compagnons qui avaient essayé de le tromper et triompher. Voilà en gros l'histoire de Jean de l'Ours. Dans le détail, c'est une histoire qui doit être envisagée de manière très précise en rapport avec ces déguisements en ours, ces hommes-ours qui apparaissent, qui vont se battre contre un chasseur, etc. On a aussi un roman de chevalerie qui va opposer deux jumeaux, dont l'un a été élevé par une ours et devient très fort, velu, c'est-à-dire reproduit le type médiéval de l'homme sauvage, cet homme qui appartient à moitié de l'humanité, qui est moitié naturel, moitié prophète. On sait que c'est Merlin qui apparaît sous cette forme, par exemple. Donc, ce jumeau-là est appelé Ourson, et son frère, lui, a été retrouvé par un roi. Il va participer à la vie chevaleresque dès le début. Les deux frères vont se retrouver à un certain moment et Valentin va chasser Ourson. On a une représentation de cette scène dans une gravure de Bruegel et il est très certain que ce qui est représenté au cours des fêtes de l'ours de la Chandeleur correspond à la même histoire que Valentin et Ourson. On a un détail très précis qui permet de l'affirmer, c'est que Ourson, l'homme ours, est récupéré par son frère et emmené dans le palais, et là, pour le rendre humain, on va le raser. Or, la scène finale des Jeux de l'ours dans les Pyrénées-Orientales consiste à, précisément, raser l'ours au cours d'une cérémonie assez élaborée où on le rase avec un énorme rasoir. Sur une petite musique de danse, on voit l'ours qui, peu à peu, perd sa peau. C'est véritablement un symbole assez net du passage de l'hiver où l'ours a besoin absolument de sa peau et de sa forme ursine à l'été où il va, en quelque sorte, pouvoir apparaître sous forme humaine. Et cette transformation d'ours à homme ou d'homme à ours est absolument quelque chose de très répandu et de très probable, disons, dans ce que l'on pourrait appeler la mentalité folklorique, pour ne pas parler de mentalité primitive, puisque dans beaucoup de régions, on considère que l'ancêtre mythique des hommes est l'ours. Mais il y a un élément dans la vie de l'ours au moment où il sort de cet état d'hibernation, qui joue aussi un rôle important et qui peut-être expliquerait certains aspects scatologiques de la fête de carnaval, c'est le fameux pet de l'ours. Ah, là c'est une observation de chasseurs. Les biologistes ont remarqué, et très tôt, on a déjà des textes chez Aristote, même chez Théophraste, ont remarqué que l'ours, avant d'hiberner, prenait un certain nombre de plantes fibreuses, des herbes fibreuses, qui allaient former au niveau de son anus un bouchon. Et ce bouchon joue un rôle physiologique. Il s'agit tout simplement d'empêcher que les oxydations se fassent de manière trop importante, de réduire le plus possible les oxydations. Déjà, Pline avait remarqué que si l'ours est dérangé au milieu de l'hiver et qu'il est obligé d'expulser ce bouchon, il peut devenir sauvage et qu'il est très gêné par ce fait-là. C'est donc une observation ancienne et on pensait même, on retrouve le texte chez Pline, qu'à sa sortie, au moment de sa déshibernation, l'ours prenait une plante spéciale, une sorte d'arôme, et il s'en servait comme d'un laxatif. Donc, là, nous partons, et les zoologues actuellement qui se sont occupés de l'ours affirment que le fait est réel, contrôlable. Nous partons d'un fait réel qui a pu être observé par les chasseurs d'ours depuis des milliers d'années. Et vous savez que les ours apparaissent sous beaucoup de formes, même au niveau de l'iconographie paléolithique. Que se passe-t-il au moment de la déshibernation? Le bouchon est expulsé. Et il est expulsé, mais sans excréments, puisque on arrive à la... L'ours n'a pas mangé depuis des mois. Et il est expulsé sous forme d'un vent. Très probablement, anciennement, on estimait que l'ours avait fait pendant l'hiver un voyage souterrain dans le royaume des âmes. Et c'est pour ça qu'il disparaissait. Et à sa sortie au printemps, il était important de libérer les âmes qu'il ramenait de ce royaume souterrain. Pour les libérer, il fallait obtenir un phénomène de purgation. Et là, c'est un élément qui, en carnaval, est très important. La scatologie en carnaval apparaît très tard, au niveau de petites scénettes qui ont pu amuser Louis XIV à Chambord, au cours du divertissement assez connu qui termine Monsieur de Pourceaugnac. On fait jouer aux acteurs une petite pièce qui est, dans l'œuvre de Lully, mise sous le titre de pièce de carnaval. Donc il n'y a aucun doute, c'est un petit rite de carnaval. De quoi s'agit-il? Des médecins poursuivent Monsieur de Pourceaugnac et essayent de lui administrer un clistère. Cela fait rire Louis XIV. Et il ne faut pas oublier que ces divertissements étaient joués par les gens de la cour. En carnaval apparaissent toute une série de déguisements où la scatologie va jouer un rôle très important et toute une série de titres carnavalesques. Par exemple, dans Rabelais, on possède plusieurs chapitres d'un procès qui oppose deux seigneurs facétieux qui sont des princes de carnaval. Et le procès, c'est un de ces procès facétieux qui, amuser ce que l'on appelait une cause grasse. C'est un de ces procès facétieux qui amusait les gens de la basoche. Ces deux seigneurs s'appellent les seigneurs de Bézecu et de Humeven. Et on sait que, par exemple, au XVIIe siècle, à Toulouse encore, les jeunes gens formaient une association que l'on appelait la Conférence des Bézecu, et qu'en temps de carnaval, ils allaient dans les rues et obligeaient les gens, sous certaines menaces, à leur embrasser le derrière. Autre déguisement de carnaval très important et qui est célèbre depuis un certain mot, le chien-lit. Le cri de chien-lit, c'est-à-dire de chi-en-lit, était adressé aux déguisés carnavalesques qui étaient représentés avec un bonnet de nuit, une longue chemise de nuit blanche et avec de la moutarde ou de la boue qui tachait le fond de cette chemise. Et de toute évidence, l'essentiel, c'est que au moment de ce printemps populaire, il y avait des phénomènes de purgation. Et purgation, étymologiquement, c'est la même chose que purification. On sait que la fête de la purification de la Vierge, par exemple, a pris la place de fêtes de purification du type lupercal ou fébrual à Rome. Donc, il y a cette équivalence, ce désir bien compréhensible de faire un peu comme l'ours. On vient de terminer l'hiver, d'avoir une longue période où on estime que, pour parler comme les anciens médecins, les humeurs se sont encrassées. Et il faut que le corps lui-même participe à la purification de toute la nature. On va le faire comment ? Cette purification, elle va être faite au niveau de la société tout entière par ce mannequin de carnaval que l'on brûle et qui sûrement a, entre autres, un rôle de bouc émissaire. On lui met tous les péchés de la société et, par exemple, au moment de condamner le carnaval, on va lui dire « Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as trop mangé, c'est toi qui as engrossé telle et telle fille, brûle !» Et il est condamné à mort. Et on le jette dans le bûcher du Mardi Gras. Donc, purification à ce niveau. Purification aussi, donc, au niveau des purgations. Des purgations soit avec le déguisement le plus fréquent en carnaval, au moins anciennement, qui est le déguisement en apothicaire, l'usage des clistères, de clistères à chevaux, très important, qui vont servir non seulement aux aspersions, bien entendu, et l'aspersion est un phénomène assez général dans l'ensemble des rites de type multiplication, de la fécondité, enfin de type fécondant, mais aussi à des purifications qui vont porter de manière précise sur l'extrémité anale. On a deux déguisements importants, donc, les chiens-lits d'une part, et une danse qui apparaît généralement le jour du mercredi des cendres, et qui est la danse des souffle-à-cul. La danse des souffle-à-cul, l'exemple le plus célèbre est celui de Saint-Claude, dans le Jura. Les gens s'habillent avec un bonnet de nuit, une grande chemise blanche, donc la même tenue que les chiens-lits, et vont se suivre à la queue-leu-leu avec des soufflets et se souffler réciproquement au derrière en chantant une petite chanson. Déjà Saint-Yves avait reconnu que ce qui était important dans cette danse, c'était la maîtrise du vent, la maîtrise du souffle, la maîtrise de l'esprit. Or, pour les fous, cette maîtrise de l'esprit et du souffle est fondamentale. D'abord parce que s'ils s'appellent fous, c'est qu'ils ont quelque rapport avec le soufflet folis. Et on retrouve, par exemple, dans la représentation de la mère folle à Dijon, on retrouve l'usage de ces soufflets. On voit, par exemple, la mère folle qui tient un certain nombre de soufflets en main et qui recueille les vents de l'esprit qui soufflent aux quatre coins. On retrouve cet usage par les vessies, autres instruments gonflants, importants. Par cette danse, dit des bouffées ou des souffles à queue. Une variante existe parfois, c'est ce que l'on appelle la danse du feu aux fesses ou du tiou-tiou. Là encore, on se met en file, toujours dans la même position. Le premier de la file tient un balai et fait semblant de balayer tout en dansant. Le dernier de la file tient soit un énorme soufflet, soit un énorme clistère à chevaux et semble administrer un clistère ou un souffle anal, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler un clistère venteux, à celui qui le précède. Et toute la file, donc là j'ai décrit le dernier et le premier, les gens en position intermédiaire ont attaché derrière eux une petite queue en papier bien sec, on vérifie que on ne triche pas, n'est-ce pas ? Et chacun a en main une bougie enflammée. Les danseurs vont donc se suivre ainsi, cherchant à allumer avec leur bougie la petite queue en papier de celui qui les précède et cherchant à éviter que celui qui est derrière eux n'allume leur queue. Là encore, le fait que cette danse s'appelle la danse du feu aux fesses doit nous faire penser à une facétie de collégien à laquelle, je pense, nous avons tous participé, qui est celle qui consiste à allumer les vents. Et qui assure, de manière assez curieuse, le contrôle du souffle par l'intermédiaire d'un élément qui va jouer un rôle très important en carnaval, qui est le feu. On a tendance à rire plutôt lorsque l'on voit de tels faits apparaître. Mais je crois qu'il faut essayer de pénétrer profondément dans une psychologie que je ne voudrais pas appeler primitive. Mais disons, la psychologie de gens qui ne condamnent pas l'ensemble des manifestations scatologiques, et encore moins érotiques, disons, mais enfin, l'ensemble des manifestations du dessous de la ceinture du corps humain, et qui vont s'émerveiller, en quelque sorte, de voir que du corps humain peut sortir une flamme. Si nous trouvions ce fait dans un mythe sud-américain exposé par Lévi-Strauss, je pense que personne ne s'en scandaliserait. Et vous savez que dans les mythes qu'indique Lévi-Strauss, il y a énormément d'éléments de ce genre. Et on pense généralement, bon, ce sont des faits dont l'équivalent n'apparaîtrait pas dans notre civilisation. Là, je pense que nous avons un thème qui met en relation de manière très précise le contrôle de l'âme, du souffle. Il faut voir quelle âme, quel souffle. D'un souffle fécondant qui va être pris en main, si l'on peut dire, au moment du carnaval, que l'on va essayer de faire apparaître sous toutes ses formes. Déjà, Saint-Yves avait remarqué que le vent de carnaval est important. On observe de manière très précise dans quelle direction va le vent. Parce que c'est le vent qui va dominer toute l'année. Et Saint-Yves pensait que l'usage des soufflets par les fous était en relation très étroite avec ce vent de carnaval. C'est la circulation de ce que l'on pourrait appeler l'esprit du monde. L'esprit du monde circule. Par où passe-t-il ? Vous savez que c'est un problème qui a passionné, par exemple, Macrobe, dans son commentaire du songe de Scipion, ou qui a pu passionner plus tard les alchimistes, bien entendu. Comment, à quel moment, par où circule l'esprit du monde et quelle part en est impartie aux hommes? Et c'est un des problèmes importants qui est posé en carnaval. Pour conclure, je crois que l'ours joue un rôle véritablement central en tant qu'animal qui peut porter le souffle dans son ventre, l'esprit dans son ventre. L'association de l'ours et du carnaval avait été bien étudiée par Saint-Yves lorsqu'il avait étudié les coutumes tchèques du carnaval, où une jeune fille appelée fiancée des cendres allait sortir dans les rues accompagnée par un ours. Et Saint-Yves affirme que cette fiancée des cendres correspond à Cendrillon. C'est-à-dire que l'on a l'équivalence entre un certain nombre de rites qui apparaissent le jour des cendres et le personnage de Cendrillon. Dans le cas des cérémonies de l'ours dans les Pyrénées-Orientales, l'ours est accompagné d'une femme qui s'appelle Rosaura ou Rosetta. Or, la scène essentielle, cette femme, comme toujours dans les déguisements de carnaval, c'est un homme déguisé. Les femmes n'interviennent pas dans les carnavals traditionnels. Les femmes ne se déguisent pas. Toutes les femmes qui apparaissent, ce sont des hommes déguisés. Et à plusieurs reprises, l'ours se précipite sur cette femme et l'emporte dans sa cabane. Là encore, nous avons un parallèle exact avec le roman de Valentin Ourson, puisque dans une des variantes de Valentin Ourson, une jeune femme appelée Rosemonde est raptée par l'ours. Et c'est elle qui va donner naissance à Jean de l'Ours. Donc là, nous avons un parallèle très exact. Et il faut savoir, il faut se demander qui est cette Rosaura ou Rosemonde. C'est-à-dire, au fond, se poser la question qui est vaste. De toutes les héroïnes dont le nom est proche de celui de la rose. Si le cheval et l'ours sont en carnaval des animaux magnifiés, il en est dont le sort est moins glorieux puisque dans l'échange que représente la fête, ils sont souvent des animaux sacrifiés. Il y a le bœuf dont le statut est complexe et dont le sort en carnaval est lié à la place importante que joue la plupart du temps la corporation des bouchers, à la fois dans la vie urbaine et dans les fêtes de la cité. Il y a aussi les conflits qui oppose les bouchers aux marchands de poissons, ceux dont le commerce est prospère au temps de carême, alors que les boucheries sont fermées. Mais il est un autre animal que nous retrouvons bien souvent, Claude Gagnebet, dans les fêtes de carnaval, qui est source de nombreux déguisements, c'est le coq. Le coq, dans toute une série de rites de carnaval, est sacrifié, généralement par la jeunesse, et on a pu voir une de ces scènes dans le film de Buñuel, Los Olvidados, où l'on voyait les jeunes gens traverser le village à cheval et un coq était suspendu par les pattes. Il s'agissait d'arracher le cou du coq en galopant à cheval et de se faire asperger de sang. La décapitation du coq est assez fréquente en carnaval. Le coq était soit enterré dans la terre avec le cou qui dépassait, et il fallait le décapiter les yeux bandés, soit suspendu par les pattes. Et celui qui était parvenu à décapiter le coq était nommé roi du coq. Cette fête avait lieu généralement le jeudi gras, le jeudi qui précède le mardi gras, qui était appelé dans la région, disons, le nord de la France, ou plutôt une partie de l'Île-de-France, la fête du jeudi jeudio, qui s'est poursuivie encore jusqu'à ces dernières années. C'était une fête qui était marquée soit par le sacrifice du coq, soit par un combat de coq. Et celui qui possédait le coq vainqueur était nommé roi des coqs. Nous pouvons, avec ce rite proprement carnavalesque, remonter par des textes latins jusqu'au XIIe siècle. En effet, cette cérémonie du roi des coqs était une cérémonie réservée aux enfants des écoles. Les enfants des écoles se réunissaient le jeudi gras, avaient un combat qui déterminait le roi des coqs, puis le roi des coqs offrait une poule, et on allait faire ce que l'on appelle courir la poule. C'est-à-dire que tous les enfants des écoles se rassemblaient dans un pré, on envoyait une poule en l'air, et celui qui attrapait la poule était nommé ministre. Puis, on allait faire une quête dans les villages où on parlait du roi du coq ou du roi des enfants ou du roi de l'enfance. Tout ça, ce sont les mêmes titres. Et c'est une quête, proprement une quête de carnaval, où on demandait du lard, des noix et des œufs. Donc, la quête de carnaval typique. Si ce roi des coqs est aussi important, c'est non seulement le rôle qu'a pu jouer le coq dans la symbolique, surtout le coq blanc, puisque le coq blanc est un messager d'Hermès. Vous savez par exemple que son sacrifice est évoqué, c'est pratiquement la dernière phrase de Socrate mourant. Il rappelle qu'il doit un coq pour un sacrifice. C'est donc ce rôle du coq, mais aussi, c'est que, très probablement, la coiffure caractéristique des fous, que l'on appelle coqueluchon, provient du nom du coq. Il y a toute une série d'équivalences entre, d'une part, une maladie qui est appelée la coqueluche, mais qui, avant de s'appeler la coqueluche, s'appelle le tac ou orion. Entre cette maladie de la coqueluche, le fait de se recouvrir la tête pour éviter la coqueluche d'un capuchon que l'on appellera coqueluchon, et dans beaucoup de représentations de ce coqueluchon des fous, et des représentations anciennes, au XVe siècle par exemple, le coqueluchon des fous est surmonté soit d'une tête de coq, soit d'une crête de coq. Et la crête du bonnet de fou va subsister pendant très longtemps. Donc, ce roi du coq, dont on sait qu'il portait au bout d'une épée la tête du coq qu'il venait de couper, puisque c'était le rite, a très probablement et très probablement un personnage ancien dans l'ensemble des maîtres des confréries carnavalesques. C'est un personnage ancien et il faut voir d'une part donc ce que le coq a pu véhiculer comme symbolisme à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que la coqueluche, qui là encore est une maladie qui met en jeu les souffles, la toux, bien entendu. Pourquoi est-ce que l'on désirait à tout prix éviter la coqueluche à une certaine période en se recouvrant la tête d'un capuchon de fou? À ce moment-là de l'année, il est important de contrôler exactement tous les souffles qui sortent du corps humain. Puisque c'est un moment où les souffles sont dangereux, vont déclencher des tempêtes pendant toute l'année, magiquement, enfin, etc. Il faudrait revoir le rôle du coq sur ces abraxas, vous savez, c'est-à-dire ces pierres gravées, plus ou moins gnostiques, où le coq apparaît très fréquemment, avec un pouvoir contre les maléfices. Bien entendu, dans la plupart des contes, le coq chante et chasse le diable. Tous ces déguisements constituent le vêtement éclatant, bariolé d'un spectacle où tout le peuple est acteur et qui, sous une forme plus ou moins élaborée, s'accomplit en danse. Beaucoup de ces danses de carnaval se sont dissoutes dans ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme général fort ambigu d'ailleurs, les danses folkloriques. Certaines d'entre elles ont pourtant conservé leur originalité, telle cette mascarade solutine que Jean-Dominique Lajoux évoque maintenant. La mascarade solutine est l'œuvre d'une troupe organisée, disciplinée, de danseurs qui vient de terminer un long entraînement chorégraphique pour pouvoir présenter dans les villages qui les invitent un spectacle de carnaval composé de deux parties bien distinctes. D'une part, ce que l'on pourrait appeler des joutes chorégraphiques et d'autre part, des scénettes théâtrales, c'est-à-dire des facéties. Le costume porté par les danseurs des mascarades soultines ou par les acteurs semble sorti directement d'un recueil d'estampes du XVIIIe siècle. Ce sont de très jolis costumes de couleurs vives qui sont taillés, qui sont cousus par des gens du Pays Basque, par des couturières du Pays Basque. Le costume est différent pour chacun des acteurs de la troupe des danseurs, c'est-à-dire des goriaques, et différent aussi pour chacun des groupes de la troupe des beltseya, c'est-à-dire des chanteurs et des comédiens. Le spectacle se déroule de la manière suivante. Lorsque la mascarade arrive dans le village qu'il a invité, elle est arrêtée par une barricade que le cherero, c'est-à-dire le chef de la troupe de la mascarade, doit franchir en dansant. Puis, la mascarade entre dans le village et va se trouver arrêtée devant certaines maisons qui ont dressé une barricade et devra répondre à un défi que lui lancera un danseur donc, du village qui invite, à ce moment, tous les danseurs de la mascarade devront pouvoir exécuter les figures qu'aura proposées ce danseur. Ce qui est relativement difficile, parce que si devant chaque barricade, il y a d'excellents danseurs qui lancent des défis de pas très compliqués, ils ne dansent que pendant quelques instants, alors que les danseurs de la mascarade, eux, commence le matin et ne finiront que le soir. Lorsque la mascarade a franchi un certain nombre de barricades, actuellement ces barricades sont constituées seulement par une bouteille de vin, alors qu'autrefois, donc je dis bien, c'était des danseurs. Bon. Lorsque la barricade est franchie, on arrête la danse et chacun des danseurs a donc droit à boire. La boisson est offerte par la maison qui a dressé la barricade. En fin de matinée, tous les danseurs et tous les gens du village se retrouvent sur la place, généralement sur la place devant le fronton où l'on joue à la pelote basque, pour ce qu'on appelle le saut basque. Le saut basque est une danse traditionnelle, dansée par les hommes qui se mettent en cercle et qui exécutent un certain pas de danse pendant de très longs moments. Les femmes regardent, ne participent pas à la danse, et vient l'heure du déjeuner où chacun des acteurs de la troupe de la mascarade est invité dans une maison ou dans une autre. Et l'après-midi, il n'y a plus de barricade à proprement parler, mais les fêtes de l'après-midi commencent donc par un grand saut basque. Elle se continue par toute une série de petites scénettes théâtrales du plus grand comique où les docteurs ou les rémouleurs, ou enfin un certain nombre de personnages apparaissent et se livrent à toutes sortes de facéties. Pour ne citer qu'une des péripéties de la mascarade à laquelle j'ai assisté, il y avait Pichou, qui est un personnage comique, une sorte de clown dans la mascarade, qui, à un moment donné, est opéré, enfin, il est mort, on l'opère, et on lui sort tous les intestins. Là, le docteur a d'immenses ciseaux pour lui ouvrir le ventre, a d'immenses thermomètres pour lui prendre sa température, a d'immenses aiguilles pour recoudre le ventre qu'il a ouvert. Et on l'opère, donc, et on retire de son ventre des kilomètres de tuyaux qui sont ses intestins, que l'on jette à la foule. Or, il faut noter que cette mascarade Soultine est une mascarade qui est faite donc par une troupe basque à l'attention des seuls habitants du village qui l'ont invité. Le dimanche où j'ai assisté à cette mascarade, il n'y avait qu'un étranger dans le village. Cet étranger, c'était moi. Carnaval est un cérémonial du corps. Et dans ce triomphe de la nature physique, les nourritures occupent tout le devant de la scène. Le manger et le boire dessinent les contours d'un vaste banquet où la communauté éprouve sa solidarité, son immortalité. On en retrouve l'écho dans toute l'œuvre de Rabelais, et « beuvons » est le dernier mot qu'écrivit l'auteur de Gargantua. Comme le soulignera Mikhail Batkin, dans le manger, le corps échappe à ses fonctions. Il avale, engloutit, déchire le monde, le fait entrer en lui, s'enrichit et croit à son détriment. La rencontre de l'homme avec le monde s'opère dans la bouche. L'homme triomphe du monde en l'avalant, au lieu d'être ce qui est cause permanente d'angoisse, dévoré par lui. Ainsi, Claude Gagnebet, Carnaval, c'est d'abord une fête du ventre. Oui, je crois que c'est sûrement, là encore, Van Gennep qui, la première fois, a insisté sur l'importance des fêtes culinaires en carnaval. Il a pu dresser une carte, par exemple, pour la France, de noms de tous les beignets qui sont utilisés en carnaval. Il a pu marquer qu'il y avait des zones entières où on utilisait les pois. Par exemple, l'est de la France connaît les pois frits, que l'on appelle picrés, et de sorte que le dimanche des bordes s'appelle le dimanche des picrés. Donc, le cycle est marqué par un certain nombre d'aliments, et ces aliments vont jouer des rôles assez divers d'ailleurs, parfois conscients, parfois inconscients. Et je crois que c'est assez important de faire cette distinction qui apparaît assez souvent en folklore, c'est que de temps en temps on se souvient d'un usage, par exemple un usage magique de ces aliments, et de temps en temps on ne se souvient absolument plus, on dit simplement « bon, nous prenons des crêpes pour telle ou telle raison », par exemple. Alors, si nous prenons, par exemple, ce que j'ai cité, prenons les crêpes, vous savez que les crêpes interviennent aussi à la chandeleur. Et je pense qu'il est assez important de comparer systématiquement l'ensemble des rites qui apparaissent à la chandeleur et l'ensemble des rites qui apparaissent à Mardi Gras. Puisque dans le cas où Pâques serait fixe, ce qui est encore vrai par exemple pour un certain nombre d'églises hors de l'église catholique, dans le cas où Pâques serait fixe, c'est-à-dire situé le 21 mars, Mardi Gras et la Chandeleur correspondent. On comprend donc que l'on peut comparer absolument ces deux dates, puisque l'une n'est que la première date possible de l'autre. L'une varie et l'autre est fixe. Alors pour les crêpes, Je pense que l'on peut proposer l'explication suivante. La crêpe, qui est un aliment, disons, absolument de pleine lune, et vous savez qu'il y a même en carnaval de temps en temps des déguisements avec la crêpe. C'est-à-dire que l'on met une crêpe sur la figure, on perce deux trous à travers la crêpe, et on affirme que la crêpe, par exemple, protège des maladies de peau. C'est une croyance au rôle magique de la crêpe. Donc, c'est absolument un déguisement, et moi je pense que c'est un déguisement lunaire. C'est une grande lune. Or, que se passe-t-il en carnaval? Nous sommes très exactement 40 jours avant la première pleine lune de printemps, 40 jours avant Pâques, donc nous sommes à une nouvelle lune. Et une nouvelle lune, cela veut dire très simplement qu'il faut, entre autres, magiquement, dévorer la lune. Et pour cela, dévorer un aliment plat qui représente la pleine lune. Et c'est pour cela que des rites identiques apparaissent à la Chandeleur, où il y a les mêmes rapports possibles, entre autres, de l'ours avec la lune. Ceci pour la crêpe. En ce qui concerne les aliments, plus particulièrement les pois, qui apparaissent très tôt, il faut évoquer, d'une part, le déguisement du fou d'autrefois, qui utilisait une vessie dans laquelle se trouvaient quelques pois. On a la description de Triboulet, par exemple, chez Rabelais, où il dit « une vessie où résonnent quelques pois ». Cette vessie était utilisée pour frapper les gens qui vous entourent. Or, que signifie une vessie gonflée dans laquelle se trouvent des pois? C'est véritablement, parce qu'on sait très tôt que le pois est un aliment flatulent, c'est véritablement la représentation d'un certain esprit qui est l'esprit des fous. Et le fait est ancien puisque très tôt, et déjà dans les toutes premières pièces de théâtre français, les jeux des sots, les jeux des idiots, s'appellent les jeux des pois pilés. Donc on a déjà cette association entre sottie, folie et les pois. C'est-à-dire entre la folie et un aliment flatulent. Très simplement parce que les fous, les confréries de fous, affirment très hautement que leur esprit est contenu dans leur ventre et qu'il est exprimé par la possession à l'intérieur du ventre ou à l'intérieur de ce qui au fond représente un ventre gonflé, c'est-à-dire de la vessie, qu'il est exprimé par un souffle. Et il y a une étude assez intéressante de Saint-Yves qui a vu de très près la manière dont au fond le souffle circule en carnaval, aussi bien à l'intérieur du corps humain que à l'extérieur, dans le monde en général. Le vent de carnaval joue un rôle très important. On sait que, par exemple, lors du feu de carnaval, on va observer la direction du vent, et ce sera le vent de toute l'année. Et là encore, on a l'équivalent à une date fixe, c'est le thème de la lutte des vents, qui apparaît le 25 janvier, jour de la conversion de Saint Paul, et les vents se battent du 25 janvier au 2 février, nous arrivons une fois de plus à la Chandeleur, et le vent qui a gagné, c'est-à-dire qui souffle le jour du 2 février, va, là encore, souffler toute l'année. Véritablement, le fou au Moyen-Âge, lorsqu'on le retrouve sur les stalles, par exemple, ou lorsqu'on le retrouve dans les miniatures, est pratiquement toujours représenté avec un soufflet. Il est muni, et vous voyez comme, au point de vue, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire, enfin, les images qui se dessinent, c'est à peu près la même image. D'une part, celle d'un fou qui est trop gonflé lui-même par un souffle parce qu'il a mangé des aliments flatulents. Cette image va se reproduire par la vessie qu'il a en main et qu'il utilise pour donner un peu de cet esprit à ceux qui l'entourent en les frappant. Et puis, le soufflet, c'est-à-dire tous les instruments de souffle. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que le beignet de carnaval est lui-même la représentation d'un souffle, puisqu'il est gonflé, c'est un aliment creux. Et il y a même certains de ces beignets qui s'appellent pednon. Donc nous sommes absolument dans ces objets qui tournent autour du symbolisme du gonflement. Alors ce gonflement est un gonflement, pourrait-on dire, sans poids. Je veux dire, il donne du volume à celui qui l'a absorbé. Mais le carnaval est lié à cette notion de jour gras. Est-ce que la graisse qui intervient en carnaval est faite pour ajouter du poids, pourrait-on dire, à ce vin qui n'occupe que du volume? On affirme généralement que si la graisse et la chair, c'est d'une part les jours gras, d'autre part l'étymologie même de carnaval met en jeu la chair, le fait de manger de la viande énormément, et le bœuf gras, disons, c'est l'ensemble protéines et lipides, si on pouvait s'exprimer scientifiquement. L'usage abusif, disons, de ces aliments est dû à une sorte de réaction, mais de réaction de casser d'avance, si l'on peut dire, vis-à-vis du carême. C'est-à-dire que, en prévision des 40 jours théoriques pendant lesquels on ne va manger ni graisse ni chair, on commence par se bourrer de graisse et de chair. L'explication, à mon avis, fait problème. Et j'ai pu récemment entendre donner à propos de faits caucasiens une explication différente du carnaval et une explication qui me satisfait beaucoup plus. C'est la suivante. En carnaval, non seulement les gens, et plus particulièrement les fous, vont manier l'esprit, soit avec des soufflets, enfin essayer de le représenter de manière concrète, non seulement ils vont manier l'esprit, mais ils vont craindre les esprits des morts qui reviennent à cette période et qui passent à travers les villages. Une des grandes thèses sur le carnaval, bien que l'on n'ait pas beaucoup d'attestations populaires là-dessus, ce sont plutôt des thèses des folkloristes eux-mêmes, c'est d'affirmer, de temps en temps, dans l'année, et c'est le cas de carnaval, les esprits des morts trouvent le chemin des villages. Ils vont donc, sous forme déguisée, apparaître dans les villages, faire des quêtes, et en échange de ces quêtes, et bien entendu, ceux qui vont représenter les esprits de ces morts, c'est les groupes de jeunesse dont nous avons parlé. Alors, ils vont faire des quêtes, et en échange de ces quêtes, assurer la fertilité du village. C'est le sens général que l'on a pu donner à carnaval, par exemple, à partir de l'observation des fées polonais, où très nettement il y a des déguisements, il y a même la mort qui les accompagne, qui accompagne les quêteurs, et il y a des déguisements en animaux. Le fait que l'on déguise sa voix, que l'on change sa voix, etc., va assez bien dans ce sens-là. Mais si les esprits des morts rôdent dans le village, on va craindre une chose, et c'est là que le fait caucasien me paraît important, on va craindre que les esprits des morts ne pénètrent en vous. Et le seul moyen qu'un esprit ne pénètre pas à l'intérieur du corps, c'est que le corps soit plein. Et c'est là qu'intervient cette alimentation surabondante, c'est que l'on va absolument se remplir en carnaval de façon à éviter que les mauvais esprits, ou les bons esprits, qu'importe, que les esprits ne pénètrent en vous. Et je crois qu'il y a une notion là qui a été, par exemple, confondue. Par exemple, Fraser parle beaucoup de ce qu'on appelle l'obésité rituelle, c'est-à-dire la nécessité pour le roi de manger énormément. Et Fraser l'interprète toujours en disant, oui, c'est que si le roi est très gros, le royaume, dans son ensemble, magiquement, va être florissant. Il y a une transcription purement symbolique. C'est ça. Or, je pense que là, c'est une transcription absolument de magie directe et peut-être un peu trop directe. Je pense qu'il faut passer, Et là, les faits, disons, populaires caucasiens sont très nets. Il faut passer par l'intermédiaire de cette crainte que les esprits ne pénètrent en vous. Et je crois que c'est une pensée qui est, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais disons qui est primitive. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut comprendre, qu'à un moment où les esprits rôdent, il est très important d'offrir un corps qui n'est plus une seule place vide, c'est-à-dire d'offrir un contenant absolument plein, bourré jusqu'à la gueule, si j'ose dire. On pourrait dire d'ailleurs qu'à ce moment-là, le corps prend une forme ronde et que sur ce rond, les choses glissent sans pouvoir s'accrocher et pénétrer. Oui, il faudrait voir aussi, en effet, l'aspect aspérité, si on peut dire, la manière dont les choses peuvent pénétrer par l'intermédiaire des aspérités. Et puis, bien entendu, un autre aspect qui est très important, qui est l'aspect de toutes les ouvertures du corps humain. C'est elle qu'il faut, à ce moment-là, vérifier de manière très précise. Et il y a une cérémonie qui est connue en Chine, qui est une cérémonie d'hiver ou de début du printemps, qui consiste à tirer avec cette flèche sur une outre et à symboliser ainsi l'ouverture de tous les orifices humains. Et je pense que dans ce genre de cérémonie, on retrouve là encore ce même symbolisme. Carnaval pourrait se définir alors comme le moment de l'année où il y a un certain contrôle de la circulation du souffle et un contrôle très précis de la limite entre l'homme et le monde extérieur. Cette limite qui, pour l'essentiel du corps, est assez nette, mais qui présente un certain nombre de points dangereux, qui sont les points d'ouverture. Et pour l'ensemble carnavalesque, le point d'ouverture essentiel, étant donné que l'on pense que les fous affirment à travers leur représentation, à travers leur jeu, à travers leur danse, ce qu'ils affirment constamment, c'est que l'âme est portée dans le ventre, et à ce moment-là, l'orifice qu'il faut bien entendu vérifier de manière très précise, c'est l'orifice anal. Ce monde du souffle, Claude Guenebet, nous n'en trouvons pas la trace simplement dans les relations du corps avec le monde extérieur. Nous en trouvons également la trace dans les activités proprement laborieuses des hommes. Oui, on sait par exemple qu'en carnaval, il est interdit de filer. C'est une des opérations qui risque de lier les vents. Là encore, nous retrouvons la même relation. Mais la relation va plus loin. Un des faits qui a été noté le plus tôt à propos des feux de carnaval, c'est que la danse qui se fait autour du feu de carnaval est une danse que l'on fait en levant les genoux très haut ou que l'on fait en bondissant le plus haut possible, parce que plus l'on danse haut autour du feu de carnaval, plus le chanvre ou le lin, cela dépend des régions, sera haut. De même en carnaval, dans certaines régions de la Prusse par exemple, on chante une sorte de mélopée assez triste qui évoque le destin du chanvre, c'est-à-dire le fait qu'il meure dans des conditions dramatiques puisqu'il est mis dans une fosse, il pourrit, il sent mauvais, et puis qu'il ressuscite. Et on a remarqué enfin que les noms même des bûchers de carnaval, en France par exemple, mettaient en jeu soit le lin, soit le chanvre. On a un certain nombre de noms, toute une région de France, où le feu de carnaval s'appelle canabou, cannabis de chanvre, ou bordelinière, c'est-à-dire borde étant probablement un mot qui désigne une sorte de cabane. la borde qui utilise les déchets de lin. L'explication que donne Van Gennep de l'ensemble de ces noms, c'est d'affirmer que l'on arrive en carnaval à la fin de l'hiver. Pendant tout l'hiver, on a taillé le chanvre. On va donc avoir la chaîne vote, les déchets du chanvre. Et on va en faire un grand feu. Et cela explique que le chanvre intervienne à ce moment-là. C'est un fait important parce que les plantes textiles sont vraiment les plantes qui sont spécifiquement, très très spécifiquement, associées au feu de carnaval. La seule autre plante, de temps en temps, on a une petite association à propos des betteraves. Disons que si on met de grosses pierres dans le feu ou à côté du feu de carnaval, on aura de grosses betteraves. Mais les faits européens généraux concernent le chanvre et le lin. C'est par exemple l'effet qu'étudie Fraser. Alors, on a pu observer que dans certains pays, le chanvre et le lin, l'ensemble des plantes textiles, étaient vraiment fêtés de manière très précise, pratiquement comme des divinités, en carnaval. C'est le cas dans une étude récente qui a été faite, par exemple, sur l'effet en Finlande. Vous voyez que l'étendue est assez importante. On a noté, d'une part, que il y avait cette interdiction de filet qui, elle, est très fréquente en France et qui peut se retrouver en Angleterre ou en Espagne, par exemple. D'une part, cette interdiction de filet. D'autre part, la fin des veillées. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a terminé absolument. En Finlande, il y a ce jour-là une coutume qui consiste à glisser le long des pentes. Et l'on affirme que plus on glissera en luge le long des pentes, et plus le lin sera lisse et aura de longues fibres. Donc, magie imitative directe. Mais il y a d'autres éléments magiques qui jouent. C'est que il faut faire ces glissades avec la luge. D'une part, les cheveux dénoués, et d'autre part, les vêtements dénoués et blancs. Les vêtements blancs, c'est très important dans les déguisements de carnaval dans l'Europe tout entière. Des vêtements, par exemple, le déguisement non seulement en blanc, mais avec des grands vêtements lâches, blancs. On le retrouve dans le carnaval au XVe siècle en France. C'est le déguisement de chien-lit. C'est-à-dire que c'est une ample robe. Généralement, on met la chemise de nuit et on s'arrange pour qu'il n'y ait aucun nœud sur le vêtement. Il faut que le vêtement soit très lâche. Et c'est un élément très important, puisque il va magiquement assurer un chanvre ou un lin qui ne présenteront aucun nœud, aucune aspérité. Et là encore, c'est un élément important. D'autre part, donc, les cheveux aussi dénoués. On insiste énormément, lorsque l'on plante le chanvre, par exemple, sur le fait que ce soit des jeunes vierges qui vont le planter, les cheveux dénoués. On comprend pourquoi. C'est que les plantes textiles, avant d'être utilisées, sont peignées. Et ce peignage est quelque chose de très important, puisqu'il met en action, d'une part, une purification. On va éliminer les parties qui ne sont pas bonnes. Et Rabelais dit là-dessus, à propos du Pantagruélion, des choses très belles. D'une part, donc, une purification. Et d'autre part, une opération qui est très semblable au seul fait de se peigner. Et je pense que l'ensemble de cette magie, de ce cycle magique du chanvre et du lin en carnaval, doivent être étudiés et pourraient être étudiés, par exemple, dans l'ensemble de l'Europe et donneraient des résultats absolument positifs quant à l'existence, à cette date-là, de ce que l'on peut appeler, je crois, véritablement, un culte des plantes textiles. Mais bien entendu, un culte qui pose un certain nombre de problèmes, puisque on ne manie pas les plantes textiles n'importe comment, très simplement parce que ce sont des liens, et que la magie est très directement en relation avec les liens. fête de carnaval, Claude Canibet, s'achève par la crémation du roi carnaval. Sur ce bûcher, on extermine celui qu'on a auparavant chargé de tous les péchés anciens, et à travers ce feu va naître ce qu'on pourrait appeler un feu nouveau. Oui, il y a de la part d'un certain nombre de folkloristes une réticence à considérer le feu de carnaval comme sacré. C'est-à-dire que ces folkloristes estiment que simplement on a représenté une certaine période de temps, qui est la période du carnaval qui précède Carême, par un mannequin, que ce mannequin, il faut s'en débarrasser, et qu'en conséquence, on va faire un feu, généralement, assez souvent d'ailleurs, le mannequin est jeté à l'eau ensuite. Est-ce que on peut essayer d'aller plus loin et de voir si ce feu n'avait pas un autre rôle? D'abord, il est, nous l'avons noté tout à l'heure, il est important de remarquer qu'il y a des éléments magiques très nets autour de ce feu, d'une part en relation avec le vent, et d'autre part avec la poussée du chanvre et du lin. C'est un premier élément. Mais on a noté aussi que ce feu, par exemple, pouvait jouer un rôle pour la multiplication des plantes. Lorsque l'on lance autour du feu, on enflamme des disques, par exemple, ou alors on allume des branches et on fait des sortes de signes dans le ciel destinés à multiplier les étincelles, et là encore, on va obtenir une multiplication des plantes. Mais nous avons affaire à des rites de magie, au fond, assez communs et qui apparaissent dans tous les feux. Ce qui est remarquable, c'est quand même que carnaval, très souvent, termine l'éveillé. Il peut y avoir d'autres dates de fin d'éveillé. Mais bien entendu, on assiste quand même en carnaval au phénomène suivant. Le feu, jusque-là, a été enfermé à l'intérieur des maisons. Et il a joué un rôle important, puisque l'ensemble du village s'est regroupé autour d'un certain nombre de feux, au cours des veillées, qui étaient essentiellement le moment où l'on travaillait le chanvre et le lin. On a accumulé peu à peu près de la porte ou près des fileries, on a accumulé la chaîne-vote, et puis, brusquement, un certain jour, on accumule toute cette chaîne-vote en dehors du village et on fait un feu qui va regrouper à ce moment-là non plus les fileries entre elles, mais un feu qui va regrouper l'ensemble du village et qui va marquer la fin des fileries, la fin des veillées. Alors, il y a sûrement, au niveau de ce feu, un rôle de feu nouveau. On a peu de textes qui nous indiquent que ce feu ait été utilisé véritablement comme feu nouveau, c'est-à-dire qu'on ait récupéré ce feu-là pour changer, pour renouveler le feu d'éveillé. Je pense qu'il y a là quand même une raison, il peut y avoir plusieurs raisons, mais enfin, très tôt, il y a une condamnation des feux cycliques par l'Église. Et le texte le plus curieux là-dessus est sûrement un texte de Bossuet. Bossuet fait une sorte de petit manuel pour le diocèse de Meaux et il indique, à propos du feu de Saint-Jean qui se fait dans la région de Meaux, il indique l'essentiel au fond, c'est que le curé y assiste, le baptise très rapidement, s'arrange pour que personne ne prennent de brandons, et puis s'arrange même pour disperser absolument toutes les cendres, et puis rentre vite fait, avec ses bannières en les enroulant rapidement. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il s'oppose absolument à ce que le feu de Saint-Jean prenne un sens, et que simplement on est là pour le baptiser, enfin pour exorciser le feu de Saint-Jean, en l'ondoyant, si on peut dire, d'eau bénite. Donc, on a quelques faits qui indiquent qu'il y a un rapport tout de même avec une fête dont la situation le lendemain de Mardi Gras, ou en fait en plein carnaval bien souvent, ne se justifie pas absolument. C'est le mercredi des cendres. Dans quelques cas, liturgiquement, les cendres du mercredi qui sont imposées sur le front doivent être faites avec les rameaux du jour des rameaux précédents, c'est-à-dire près de 11 mois auparavant. Mais de temps en temps, c'est les cendres du bûcher de carnaval qui sont récupérées et qui sont utilisées pour faire cette croix sur le front et cet ensemble liturgique. Donc, il y a là, disons, une liturgie populaire qui a pu s'imposer. Personnellement, je pense que l'association du Mardi Gras, qui était marquée par un feu important, et du Mercredi des cendres, qui est marquée à l'intérieur de l'Église, par l'usage de cendres, systématique. Et on sait que cet usage de cendres a pu emprunter, bien entendu, certains de ces éléments à la religion juive. Mais la succession de ces deux jours, le fait que ces deux jours aient été rapprochés, le fait que très souvent, en carnaval, il y avait des noircissements qui se faisaient avec des cendres, à mon avis, n'est absolument pas fortuite. Je pense que ces deux jours forment un ensemble très net, mais que bien entendu, il est assez difficile d'en retrouver l'origine, dans la mesure où, d'une part, il y a eu et cette lutte de l'Église contre les coutumes populaires, et de temps en temps, bien plus subtilement et bien plus fréquemment, si on peut dire, le phénomène de syncrétisme, c'est-à-dire au contraire de récupération d'un certain nombre de coutumes populaires auxquelles on va donner un sens, c'est la thèse de Saint-Yves, les saints successeurs des dieux, si on peut dire. Bon, dans le cas de carnaval, nous n'avons pas de preuve absolue qu'il y ait eu un saint successeur. On a des saints facétieux qui représentent carnaval, soit on l'appelle Saint Boudin, Saint Mardi Gras, Saint Pansard, dans Rabelais. Mais tous ces saints n'ont jamais eu de culte. On les retrouve dans des bréviaires anciens. On retrouve dans les missels ou dans les bréviaires, de temps en temps, on retrouve la mention de ces saints facétieux. Il y a eu des études très intéressantes sur les saints facétieux. Mais très tôt, dès le 15e, quand on commence à retrouver ces textes, de toute évidence, ces saints-là ne sont déjà pas pris au sérieux. La déploration, par exemple, de Saint Andouille qui meurt en carnaval, ou de Saint Boudin qui est dévoré en carnaval, c'est trouvé nulle part de gens pour y voir autre chose qu'une personnification facétieuse de certains aliments de carnaval. Tout de même, il serait intéressant de voir dans quelle mesure le feu de carnaval a pu servir, mais dans une liturgie oubliée, disons, à un certain nombre de ce que je pense qu'il faut quand même appeler initiation. Sous quelle forme? C'est assez difficile à dire. Il faut étudier pour ça, d'une part, précisément la forme du bûcher, ce qu'il pouvait recouvrir, les légendes en rapport avec ce bûcher. On affirme, par exemple, systématiquement dans beaucoup de régions de la France, on dit aux enfants, n'allez pas regarder les cendres du bûcher, vous verriez le diable. Autrement dit, la pensée et l'image est restée qu'il ne faut pas voir le bûcher après qu'il ait été consommé parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans le bûcher. Et vous savez que les feux de carnaval ont jeté le chat, par exemple. Il y a toute une série d'animaux qui étaient brûlés dans le feu de carnaval, à l'inverse du feu de Saint-Jean où on brûlait des os, mais le feu de carnaval est marqué par ce qu'on peut tout de même appeler des sacrifices animaux. Par exemple, c'est le cas à Paris. À Paris, le feu de carnaval, on a des textes datant du XVIe siècle où on indique le prix payé pour les chats jetés dans le feu de carnaval. On les jetait vivants. On affirme toujours, bon, les chats, c'est le symbole du mal, c'est le symbole, un chat noir, symbole des sorciers, on voulait les détruire, etc. Là aussi, ça me paraît une explication un peu rapide. Je pense qu'il faut essayer d'aller un peu au-delà de ce qui nous apparaît trop évident dans ce genre de sacrifice animaux. Mais de toute façon, le feu avait une forme de cabane, très souvent, et très souvent le feu de carnaval s'appelle cabanou, la cabane, ou borde, c'est le nom le plus répandu puisqu'il y a même le dimanche des bordes. C'est le nom le plus répandu pour le bûcher de carnaval, et Van Gennep a beaucoup insisté, par exemple, sur la forme du bûcher. Et il avoue ne pas comprendre. Il dit « je ne vois pas comment on confond systématiquement, dans la plupart des régions de France, un bûcher et une cabane. Un bûcher, ce n'est pas creux, une cabane, c'est creux, on peut y pénétrer, etc. » Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas une période, non pas où il y avait des sacrifices humains. C'est pas que je nie absolument la possibilité de sacrifices humains. Vous savez qu'on en parle pour les Gaulois, il y a quelques textes de César relatifs aux sacrifices humains. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, on interprète en sacrifices humains des cérémonies d'initiation. C'est-à-dire que le profane assiste en effet à des rites au cours desquels des gens sont symboliquement tués et où on fait tout pour qu'ils paraissent morts et où tout le monde autour d'eux affirme qu'ils sont morts, etc. Bien. Et le profane, il interprète en termes de sacrifice humain des cérémonies d'initiation. Comme hypothèse, je pense qu'il serait intéressant de poser la description suivante. On construit un feu en forme de cabane à l'extérieur du village. Dans ce feu pénètrent les gens qui doivent être initiés. On met le feu à la cabane, ils disparaissent pendant une certaine période, puis reparaissent au bout d'un certain temps. Comment peut se faire cette opération? Comment peut se faire cette purification par le feu, qui est très importante, ce véritable baptême par le feu? Il devait y avoir la possibilité, bien entendu, avant la mise à feu, d'échapper, très probablement par un trou situé sous la cabane. Vous voyez le système, on ferme une porte même qui fait que l'ensemble des gens disparaît, et puis les gens disparaissent très probablement dans un trou creusé dans le sol, et là on a un certain nombre de sites qui sont assez soigneusement étudiés actuellement en France, qui sont des sortes de sites en bouteille de 4 ou 5 mètres de haut, à laquelle on pouvait descendre. On retrouve généralement une petite banquette en bas, et tout ce que l'on retrouve, c'est des fragments de poterie et des cendres au beau milieu. Donc, il y avait la possibilité à ce moment-là pour les gens d'attendre sous le feu, peut-être, et ce serait intéressant de savoir, de subir les effets d'un chanvre qui brûle, de déchets de chanvre qui brûle, c'est-à-dire des effets qui vont leur donner là aussi l'impression d'avoir fait le voyage dans l'au-delà. Et puis, de ressortir au bout d'un moment, il faut qu'ils ressortent discrètement, d'où l'interdiction pour les enfants d'aller regarder parce qu'ils verraient le diable, et la diabolisation d'un tel phénomène, bien entendu, peut être importante, de ressortir et d'être considérés comme des gens qui ont fait d'une part le voyage dans l'au-delà, et d'autre part, qui ont été baptisés par le feu, c'est-à-dire qui ont terminé une certaine partie de leur vie, exactement comme le fait le chanvre. C'est-à-dire qui ont, disons, subi la purification finale, le chanvre ayant subi une série de purifications, la première par l'eau et par le pourrissement, puis la seconde par le peignage, et c'est très important puisque cardere, c'est purifier, carder, et la dernière, là où, disons, l'âme va pouvoir s'élever, puis éventuellement revenir, puisqu'il faut quand même que le chanvre continue, disons, et la dernière par le feu. Et je pense que c'est à des éléments de ce genre-là, bien entendu, nous avons quelques textes qui vont dans ce sens-là. Dordalie par le feu, d'où les gens sortent intacts. C'est un cas assez bizarre d'une légende que l'on attribue à Saint-Patrick. Le thème est le suivant, n'est-ce pas? Saint-Patrick se met dans une cabane avec un jeune enfant, muni de la Bible. Dans une autre cabane de feuillage, on met un druide. Et puis on met le feu aux deux cabanes. Et au fond, on fait l'ordalie, on essaye de voir qui va survivre, qui a raison. Bien entendu, on retrouve Saint-Patrick intact au milieu de la cabane en train de lire la Bible. Bien. Et déjà, l'historien des religions qui avait étudié ce thème à propos de Saint-Patrick avait montré que ce thème reprenait très probablement un thème irlandais ancien en rapport avec une initiation par le feu, la nécessité d'un baptême par le feu. Or, c'est assez bizarre, puisque on a quelques textes bibliques, évangéliques, relatifs au baptême par le feu, mais on a quelques éléments liturgiques, là aussi relatifs à ce baptême par le feu, ne serait-ce que, bien entendu, l'usage du cierge pascal. Mais un baptême, disons, par le feu, qui soit l'équivalent du baptême par l'eau, je ne pense pas que autrement que populairement et ainsi reconstitué, on en possède des attestations. Par le feu de carnaval, ce n'est pas seulement l'homme qui brûle ses haillons, se délivre de son pourrissement, chasse l'ancien pour faire place au nouveau. C'est aussi l'homme qui fait alliance avec la brûlure du monde, qui rejoint le foyer central. Comme l'écrit le philosophe américain Norman Brown, allumez le feu du sacrifice. Le feu du sacrifice, la nourriture sacrificielle, la nourriture est un combustible. Toutes les choses sont nourriture, sont flamme. La vraie prière est de voir ce monde se mettre à flamber. Et dans le feu de carnaval, la joie trouve son chemin parmi les hommes. Quittons maintenant nos terres septentrionales pour aller voir comment, très loin d'ici, au Brésil, le carnaval a pu, au cours des âges, sous des influences multiples et souvent contradictoires, prendre le visage qui est le sien aujourd'hui. Certes, un carnaval comme celui de Rio est entré très largement dans le domaine des curiosités exotiques. Au-delà de son usage actuel, il témoigne pourtant d'une expérience humaine très singulière, car il symbolise la rencontre de trois races, de trois continents, de trois visions du monde et de l'histoire qui ont su se confondre en une seule fête. Et cette fête, nous tenterons maintenant avec Roger Bastide d'en dessiner les contours. Il y a plusieurs carnavals. En premier lieu, le carnaval de Rio, qui est le plus célèbre en France et qui attire chaque année d'ailleurs un certain nombre de touristes français à côté des Nord-Américains et qui tend de plus en plus d'ailleurs à se commercialiser aujourd'hui. Puis le carnaval de Bahia, qui est resté plus traditionnel et où l'influence nègre est beaucoup plus forte encore qu'à Rio. Et enfin, le carnaval de Recife, dans le nord-est, dans l'état de Pernambouc, qui présente aussi des caractères spécifiques, parce que l'esprit communautaire y existe, comme à Rio et à Bahia, mais on y découvre aussi, à côté, un carnaval plus individualiste, si j'ose dire, le frève, c'est-à-dire il y a dans la rue toute une série de gens qui improvisent des danses pour eux, et qui maintiennent leur équilibre très fragile avec un parasol ou un parapluie, de façon à ne pas tomber par terre, et qui, par conséquent, jouissent en quelque sorte individuellement du plaisir du carnaval au lieu de se fondre dans la masse. Alors ça fait, à mon avis, au moins trois carnavals, à côté, bien entendu, du carnaval bourgeois, non populaire, celui des salons, alors que l'on trouve dans absolument tout le Brésil, dans toutes les cités, mais pas dans les campagnes. Car il faut bien ajouter ceci, c'est que le carnaval n'est pas une fête rurale. Le carnaval n'existe pas dans les campagnes. Dans les campagnes, dans les zones rurales, il y a d'autres fêtes, et en particulier la fête de la Saint-Jean, ou la fête du qu'on appelle là-bas du Saint-Esprit, Spirito Santo, qui se passe à d'autres moments, mais il n'y a pas le carnaval. Le carnaval est un phénomène urbain. Alors Roger Bastide, si on étudie le carnaval européen, on met en évidence deux choses. D'une part, que le carnaval européen se rattache à de très lointaines origines qui sont liées au rite printanier. Et en second lieu, le fait que le carnaval est l'événement qui précède la période de carême, celle qui annonce Pâques, par conséquent liée directement à la christianisation de notre continent. Or, Ces deux phénomènes interviennent de manière tout à fait différente dans l'hémisphère sud, puisque nous ne sommes pas dans la période de fécondité de la terre, nous ne sommes pas au printemps, et d'autre part, le phénomène chrétien semble se greffer sur un héritage beaucoup plus ancien. Comment les choses se passent-elles et quelle est l'origine de ce carnaval brésilien ? Eh bien, en fait, il y a eu, avant l'introduction du carnaval, qui ne date au Brésil que du 19e siècle, le carnaval est très récent, il y a eu une fête portugaise, dont européenne, que l'on appelait l'entroude. L'entroude consistait à s'asperger d'eau parfumée autant que possible, ou à envoyer sur les gens, c'était aussi une forme d'aspersion, des œufs que l'on avait troués et dans lesquels on avait mis un peu d'eau parfumée, et qui se brisait évidemment sur la tête ou sur le corps des gens. Donc c'était une fête qui était le décalque de la fête portugaise. On retrouve d'ailleurs ces aspersions d'eau autrefois dans le carnaval français. Nous avons des textes d'un Anglais, par exemple, qui était furieux parce qu'à Marseille, le jour du carnaval, il a été mouillé, tous les gens lui lançaient de l'eau des fenêtres, et qui existe aussi sous une autre forme dans certaines fêtes nord-africaines. Donc c'est quelque chose de très méditerranéen qui a été introduit avec les colons. Mais c'était l'époque de l'esclavage, par conséquent les Noirs étaient en dehors du carnaval. C'était un carnaval de ville, somme toute, de blancs, et si les Noirs y intervenaient, c'était uniquement ceux qui étaient affranchis, et surtout des mulâtres. Et puis, lorsque la famille impériale, ou plus exactement la famille royale, elle n'est devenue impériale qu'au Brésil, a fui Lisbonne et les armées de Napoléon pour venir se réfugier au Brésil, cette famille royale ou impériale a trouvé qu'au Brésil on s'embêtait beaucoup, et que c'était très provincial, très mesquin, et ils ont voulu introduire une vie de cour et une vie de plaisir. Donc ils ont apporté alors un autre carnaval, qui est le carnaval aristocratique en quelque sorte, avec des masques, des déguisements et des danses dans le salon. Mais ça restait le fait de l'aristocratie. C'est le peuple qui a inventé, alors, par imitation ou peut-être par contestation de ce carnaval bourgeois, un autre carnaval, le carnaval de la rue. Et c'est ainsi que, on ne peut pas dire que le christianisme s'est intégré sur d'autres traditions, peut-être vaudrait-il mieux dire qu'il s'est créé deux carnavals différents, celui des salons d'un côté, puis celui de la rue, où non pas simplement le noir, mais aussi le descendant d'Indien ou du métis d'Indien a apporté sa contribution. C'est un carnaval original, évidemment. C'est donc ce carnaval de la rue qui nous intéresse au premier plan. Alors, Roger Bastide, quels sont les caractères communs au carnaval de Rio, à celui de Recife et à celui de Bahia ? Eh bien, c'est que dans les trois cas, il s'agit, comme le disent les psychiatres, si vous voulez, d'un phénomène de catharsis. La population ouvrière, ou parfois même qui appartient à un sous-prolétariat, se trouve privée pendant tout le reste de l'année des plaisirs de la vie. Vit dans un certain état de misère, de sous-alimentation, et a besoin donc d'une période d'expansion, d'une période de compensation à toute cette grisaille de sa vie quotidienne, en quelque sorte. Et alors, pendant trois jours, il va avoir un défoulement de toutes les tensions, de toutes les frustrations que l'on a eues pendant le cours de son existence de travail, ou de misère bien souvent, et de chômage. Il y a aussi un autre caractère, c'est que le carnaval est devenu, en quelque sorte, dans les trois régions, le conservatoire de folklore disparu, mais qui avait existé jadis, même dans les campagnes, mais qui se retrouve maintenant dans le carnaval urbain. Par exemple, les Noirs avaient, dans certaines régions, l'habitude de former des associations ethniques, associations par exemple des Yoruba ou des Fon ou des Angolas, des Bantous, etc. ils avaient aussi la coutume de célébrer certaines fêtes à eux, parfois dans le cadre du christianisme, par exemple au moment de la Noël, à Bahia en particulier, mais aussi à Rio, ils avaient des défilés sous prétexte d'aller à la crèche, mais ils allaient à la crèche non pas avec l'âne et le bœuf, mais ils y allaient avec leurs animaux totémiques, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient le totémisme ancestral au moment de ces fêtes, ils le manifestaient, ils l'exprimaient extérieurement. Tout ça, ça a disparu petit à petit au fur et à mesure que les générations ont changé, que les coutumes anciennes ne pouvaient plus s'adapter à une société nouvelle. Mais maintenant, tous ces phénomènes vont se retrouver dans le carnaval. Ce qui fait que le carnaval est devenu très intéressant pour un folkloriste ou un ethnologue parce qu'il y retrouve toutes ces fêtes, toutes ces traditions qui autrefois étaient générales dans le Brésil et qui maintenant ne se retrouvent presque plus que là. Alors, comment s'est faite cette récupération de l'héritage ancien, en particulier de l'héritage africain? Comment ça s'explique? Ça s'explique parce qu'ils ne l'avaient pas perdu. Parce que quand ils sont venus au Brésil, ils ont perdu évidemment toute une série de traits africains, par exemple l'organisation sociale, l'organisation politique, ou bien encore les structures familiales, l'esclavage désorganisé naturellement la société africaine, mais ils avaient conservé leurs valeurs religieuses ou esthétiques. Et ces valeurs religieuses ou esthétiques, ils les ont transmises, ils ont pu les transmettre à leurs enfants, même au cours du régime de l'esclavage, puisque l'enfant forcément était élevé par la mère quand il était petit, et quand il était plus grand et que la mère se remettait à travailler dans les champs, c'était la grand-mère qui s'occupait de l'enfant et qui pouvait donc lui transmettre toute une série de valeurs venues des ancêtres. Et c'est pourquoi, je l'ai montré dans un de mes livres, toute la religion africaine Yoruba, en général, à fond dans certaines régions comme le Maranyan et Bantou, ont pu se conserver, ont pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et à côté, un folklore qui est un vrai folklore africain. Ce qu'on appelle ici la samba, une danse brésilienne transformée par le blanc et qui est devenue une danse de salon, mais qui a son origine dans, alors moi je le dis au masculin maintenant, le samba rural. Le samba rural, c'est une danse de paysans qui existe encore aujourd'hui en Angola et dans toute la région congolaise et qui est caractérisée par le fait de la recherche d'un partenaire sexuel. L'homme danse devant les femmes, choisit une femme et va lui donner un coup de nombril contre son ventre. Ou bien la femme se détache de son groupe pour danser devant le groupe des hommes, choisit un homme et lui donne un coup de nombril aussi. C'est-à-dire, c'est le signe qu'il est l'élu. Eh bien, ça, c'est une danse qui a été transformée. On ne le voit plus maintenant dans le samba de salon. Mais cette danse, elle s'est maintenue. Je l'ai vue encore quand j'étais au Brésil. Par conséquent, ils ont maintenu leur tradition. Et au fur et à mesure que les conditions de l'urbanisation et de l'industrialisation tendent à faire disparaître, plutôt que de perdre toutes ces valeurs, ils les reportent dans le carnaval. C'est-à-dire qu'il y a entre la société portugaise colonisatrice et la société noire, comme avec la société indienne, un lien qui est quand même très particulier. Comme vous l'avez expliqué d'ailleurs dans un de vos livres, les Portugais arrivaient eux-mêmes en Amérique du Sud avec une mentalité déjà fortement contaminée par le contexte africain, et où la sexualité joue un rôle particulièrement important. Oui, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Gilberto Freire a dit qu'à un moment donné, je crois dans une conférence à Lisbonne, que si certains peuples, comme les Anglais ou les Français, avaient conquis le monde avec l'épée, les Portugais avaient conquis le monde avec leur sexe, et qu'ils devraient avoir un phallus sur leur drapeau. Dans la sexualité jouait un très grand rôle, d'autant plus que ces blancs qui venaient étaient en général des hommes sans femmes. Par conséquent, ils ont été d'abord obligés de prendre des indiennes comme épouses et ensuite de prendre des noirs. Mais j'ajoute, car il ne faudrait pas me faire répéter ce que dit Gilberto Freire, j'ajoute que cela n'empêche pas quand même une certaine discrimination raciale. Parce que ces blanches de basse classe, ou bien ces noires, ou bien ces indiennes, ne sont pas mises exactement sur le même pied. Et, par exemple, on se marie avec une blanche, même d'une classe inférieure, alors qu'on prend la noire ou l'indienne comme concubine. Il y a donc là, tout de même, une certaine discrimination raciale. Nous avons vu un peu le fond général de ces carnavals brésiliens. On pourrait peut-être maintenant entrer dans le détail de chacun d'eux. Je commence par le carnaval de Recife, si vous voulez, et je vais aller dans l'ordre géographique du nord du Brésil vers le sud. Dans le carnaval de Recife, il y a toute une série de manifestations très particulières qu'on retrouve sans doute ailleurs, mais sous une forme moins systématique. Il y a d'abord une série de groupes organisés qui défilent dans le carnaval en formant des bandes. Il y a, par exemple, des bandes que l'on appelle de caboclines, c'est-à-dire d'indiens. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'indiens. Il s'agit de noirs ou de mulâtres, mais qui s'habillent et qui se déguisent en indiens, qui mettent des plumes sur leur tête, et qui mettent des grelots à leurs bras et à leurs jambes, et qui utilisent l'arc avec la flèche pour rythmer leurs pas de danse. Or, ces associations de caboclines, qui sont de deux espèces, ceux à arc et flèche d'un côté et ceux à plumes de l'autre, ces associations imitent aussi les danses des Indiens, qui sont très différentes des danses africaines. La danse indienne est caractérisée par le piétinement du sol ou par de grands bonds en l'air en poussant des cris. À côté de ces bandes qui sont formées, qui travaillent pendant des semaines avant pour bien mettre au point leur façon de danser, leur cohérence dans la rue, leur discipline, etc., il y a des bandes que l'on appelle les maracatus, et qui sont alors des associations d'Africains. Ces maracatus sont parfois liés d'ailleurs à ce que l'on appelle à Recife des Xangô, c'est-à-dire à des confréries religieuses qui conservent les rites, les croyances et les manifestations culturelles des Africains, Yoruba, Fon ou Bantu. C'est-à-dire que ce sont les mêmes fidèles des dieux qui vont descendre, mais sans être possédés, sans tomber en transe, naturellement, simplement pour danser, pour manifester leur joie. Ces maracatus comprennent toujours un roi et une reine, des demoiselles d'honneur, et une demoiselle d'honneur en particulier qui porte une poupée. Cette poupée qui a des noms différents, parfois des noms portugais, parfois porte aussi un nom africain, Kalunga, et Kalunga c'est chez les Bantous la déesse de la mer et de la mort. Par conséquent, ça prouve bien que ce soit dans le carnaval, il y a là une manifestation qui continue une certaine tradition de procession religieuse existante en Afrique. Cette poupée est de quelle dimension ? C'est une poupée ordinaire qui a, mettons, 50-60 cm de hauteur. Et il y a parfois des poupées qui sont noires, comme Kalunga, et parfois il y a des poupées qui sont blanches et qui prennent le nom d'un roi ou d'une reine du Portugal. On retrouve d'ailleurs ce jeu de poupées dans d'autres régions où il y a eu des influences africaines. En dehors du Brésil, par exemple, on le trouve à Cuba. Mais là, nous avons donc un bloc, au Brésil on appelle bloc, je m'excuse d'employer parfois des expressions brésiliennes, mais enfin c'est compréhensible, un bloc c'est un groupe organisé et qui descend avec des tambours, avec des instruments de musique qui sont des instruments de musique africains, mais avec des tambours qui n'ont pas mangé. Je veux dire par là, qui n'ont pas reçu le sang sacrificiel des animaux que l'on offre aux dieux. Ce qui fait que ces tambours ont beau être frappés et jouer des airs, ces airs ne provoquent pas la transe. Hein, parce que ces tambours ne sont pas, n'ayant pas mangé, ne sont pas en contact avec les divinités qui sont dans l'au-delà, dont les dieux ne viennent pas et n'auront pas possédé les gens. Donc tout se passe dans le calme, il n'y a pas de transe, il n'y a pas de crise de type hystérique, comme on dirait en France, mais qui n'ont rien de commun avec l'hystérie, mais qu'enfin, qui peuvent le ressembler. Le défilé est toujours très discipliné. Alors que les danses des caboclines sont violentes, parce qu'on s'imagine que l'Indien est violent, c'est les danses de ces blocs, tout le long des rues, sont des danses qui sont quand même un peu liturgiques. N'est-ce pas ? Elles sont lentes, elles sont très ritualisées, elles sont très belles, et il y a un mélange, si vous voulez, des vieilles danses de cour telles que nous les avons connues en France, comme le menuet, qui sont quand même des danses lentes et rituelles, avec des rituels religieux africains. Et puis, en troisième lieu, il y a, comme je vous l'ai dit, le frève, c'est-à-dire un carnaval plus individualiste. Des gens qui ne s'agglomèrent pas, qui ne forment pas des blocs, et qui dansent pour eux, pour leur plaisir, à l'intérieur des rues, soit devant un de ces blocs, soit derrière, soit même quand il n'y a pas de bloc. Le frève est aussi relativement récent. L'origine, c'est d'ailleurs une danse africaine, très probablement. Je vais vous donner une interprétation qui me paraît juste, mais que l'on peut discuter. Il existait autrefois une danse, elle continue toujours d'ailleurs à Bahia, qui s'appelle la capoeira. La capoeira est une danse, une lutte plutôt qu'une danse, d'origine bantoue, qui a été introduite au Brésil par les esclaves d'Angola et du Congo. Or, la capoeira a été une danse de mauvais garçons. Mauvais garçons, il y en avait pas mal parmi les Noirs, et qui vivaient au crochet des femmes, et qui se disputaient dans la rue, et souvent il y avait des assassinats. Les capoeiras étaient utilisées aussi par les hommes politiques pour se défendre, car au Brésil on assassinait autrefois très souvent les hommes politiques, et chaque homme politique avait donc une garde autour de lui. Il choisissait des gens qui connaissaient la capoeira et qui savaient avec un couteau toujours être les plus forts pour tuer les gens qui auraient voulu assassiner leur maître. Alors ces capoeiras ont été interdits par la police. Et ils ont transformé leur lutte en une danse dans laquelle on simule, en quelque sorte, les coups qu'ils se portaient autrefois, mais sans qu'il y ait coups à proprement parler. C'est devenu maintenant un véritable ballet, et c'est vraiment merveilleux, une très grande beauté. Il y a toute une série de coups possibles, le soleil, dans lequel on tourne autour de son adversaire, et ainsi de suite. De notre côté, ces capoeiras, au cours du XIXe siècle, puisque c'était des mauvais garçons, dont des gens qui n'avaient rien à faire, qui ne travaillaient pas, et ils suivaient les bandes militaires. Et ils dansaient derrière les soldats quand ils défilaient dans les rues. Ainsi s'est créé donc une espèce de syncrétisme, si vous voulez, d'amalgame entre une certaine musique qui est la marche militaire d'un côté et de l'autre une certaine danse qui partait de la capoeira. Et alors aujourd'hui, dans le carnaval de Recife, on danse beaucoup sur des marches militaires. Et chaque fois qu'on joue une marche militaire, alors les gens se mettent à danser le frève. Dont ils font par exemple des danses un peu analogues à celles que les Français connaissent bien, qui sont les danses russes, n'est-ce pas, accroupies sur le sol ou bien en faisant des moulinets par terre. Et comme c'est parfois très difficile. Ils prennent des attitudes extrêmement en dehors d'un équilibre normal. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils s'équilibrent avec un parasol ou un parapluie. Certains maracatus promènent derrière eux un char avec un animal. Le lion, l'éléphant par exemple. Et on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas là une survivance totémique. Mais ce sont des masques, ces animaux. Ce sont d'énormes animaux en carton-pâte qui sont mis sur une voiture automobile et qui défilent derrière les personnes. Alors est-ce qu'à la fin du carnaval, ils sont brûlés ? À la fin du carnaval, ils sont entreposés dans les entrepôts qui appartiennent à ces associations. Car c'est là un des caractères communs aussi des trois carnavals, mais surtout de Rio, c'est pour ça que j'en parlerai uniquement pour Rio. Ces associations sont permanentes et par conséquent, on répète en quelque sorte pendant toute l'année le carnaval. La fête explose dans les trois jours du carnaval, mais elle est bien préparée. Cette explosion, cette sauvagerie du carnaval n'est en somme qu'illusoire. Parce que, comme dans un théâtre, tout a été bien mis en scène auparavant et longuement. Le carnaval de Bahia me paraît beaucoup plus africain. Il n'y a pas de frêve, il n'y a pas ce carnaval individuel de récif. Il n'y a que des blocs. Et ces blocs sont des blocs soit de blanc, soit de noir, de mulâtre, soit enfin, à cause justement de ces rapprochements affectifs entre les ethnies au Brésil, des groupes mixtes où il y a à la fois des blancs, des mulâtres et des noirs. Chacun porte un nom. Il y a, par exemple, le Club Espérance, le Club Étoile Brillante, etc. Se prépare pendant l'année pour la fête du carnaval et défile dans la rue. Mais ce qui m'a intéressé dans le carnaval de Bahia, c'est que nous trouvons ces associations d'Africains liées à des confréries religieuses africaines beaucoup plus qu'à Recife. À Recife, je ne connais que deux cas de maracatu liés à des centres religieux africains. Tandis qu'à Bahia, il y en a beaucoup plus. Et on n'appelle pas ça maracatu, on appelle cela affauché. J'ai cherché, lorsque j'étais en Afrique, quel était le sens du mot affauché. Il n'a rien de commun avec le mot carnaval et je ne sais pas pourquoi ce terme d'affauché désigne ces blocs carnavalesques. En tout cas, le fait est là, il s'appelle affauché, et c'est le roi et la reine d'une nation africaine, qui descendent dans la ville au moment du carnaval, avec toute leur cour, toute leur organisation seigneuriale, avec de très beaux habits, et parfois aussi avec une poupée. Bien que le phénomène soit moins étudié à Bahia qu'à Récif, on ne sait pas quelle est l'origine exacte de la poupée des affauchés de Bahia. Et puis il y a les animaux totémiques qui étaient beaucoup plus nombreux, d'après les renseignements livresques que je vous fournis, à Bahia qu'à Récif ou qu'à Rio de Janeiro, dont un très grand nombre de totems. Et jadis, il y avait un défilé aussi de ces totems au moment de l'Épiphanie. À la fin de la fête de la Noël, enfin, au moment des rois mages, et ces totems allaient avec des gens d'une ferme à l'autre pour demander de l'argent ou pour demander de l'eau de vie ou pour demander des gâteaux, des aliments, et jouer de petites pièces. On appelait cela des ranchos. Ces ranchos jouaient par exemple la pièce suivante. Il y avait un chasseur qui tuait un animal. Alors, le propriétaire de l'animal pleurait et on ressuscitait l'animal. Ou bien il y avait un pêcheur qui pêchait un poisson, ainsi de suite. Mais il y avait toujours ce jeu qui peut-être vous rappellera la mort du carnaval et la résurrection de la nature, mais qui pourtant n'a rien d'européen, qui est africain, il y avait toujours la mort et la résurrection d'un animal. Ces ranchons ont disparu. Et ils se sont portés maintenant dans le carnaval, suivant la loi que je vous ai dit tout à l'heure, que le carnaval est devenu le conservatoire des traditions qui ont disparu par ailleurs. Enfin, le carnaval de Rio est un carnaval qui est beaucoup plus populaire, beaucoup plus vivant peut-être, beaucoup moins discipliné et ritualisé que les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on va plutôt là, on va plutôt le voir. Parce que, évidemment, dans une très grande ville, Rio était la capitale du Brésil, les frustrations, vous le comprenez, sont infiniment plus graves et plus dures que dans une petite ville comme Bahia ou même comme une ville semi-industrialisée comme que Recife. Alors donc, il y avait nécessité de se défouler beaucoup plus grande à Rio qu'ailleurs. Mais aussi, beaucoup plus de danger. En ce sens que, en profitant du déguisement, en profitant du fait que les gens étaient noyés dans la masse, beaucoup plus d'assassinats. Les gens profitent de l'anonymat du carnaval, où dans Orphée Nègre on trouve un peu cette idée, pour pouvoir se défaire d'un adversaire. Et le climat voulant, il y avait aussi beaucoup plus, aussi bien d'ailleurs dans le carnaval dansé des bourgeois que dans le carnaval de la rue, beaucoup plus de petites mulâtresses violées ou de filles qui perdaient leur virginité ce jour-là. Donc, plus d'expansion, plus de débordement, plus de folie. Mais le carnaval a changé, et j'ai assisté en partie à ce changement lorsque j'étais au Brésil. Justement, on a voulu faire disparaître un peu cette spontanéité, un peu la discipliner, en la commercialisant. Et c'est devenu maintenant vraiment un carnaval commercial. Je ne dis pas qu'il n'y ait plus de joie populaire, mais les gens se mettent de plus en plus le long des boulevards où défilent les chars, s'intéressent à jouer, c'est ce char qui va avoir le prix, c'est celui-là. Ce n'est plus tout à fait le carnaval que j'ai connu quand je suis arrivé au Brésil. Dans ces grandes festivités, dans quelle mesure est-ce que le psychisme des individus et par conséquent celui de la collectivité tout entière se transforme? Eh bien, ça m'est difficile à répondre et je vais vous répondre, si vous voulez, par la tangente. Vous me permettez? Parce que j'ai laissé de côté un caractère du carnaval de Rio dont on parle beaucoup, et c'est qu'il existe des écoles de samba. C'est-à-dire qu'il existe, lié à ces groupes, et qui prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure que le carnaval s'institutionnalise, et que dont on donne des prix, et que le carnaval peut être un moyen de gagner de l'argent, il existe donc de plus en plus de ces écoles de samba, dans lesquelles pendant toute une année, on prépare des danses originales, des musiques nouvelles, et des chants. Et vous savez, ici en France, plusieurs de ces chants de carnaval de Rio sont connus par les disques, mais chaque année, il y en a de nouveaux. Et nous, Français, sommes contents parfois quand la France aussi se trouve dans un de ces sambas. Il y en a eu, par exemple, à un moment donné, à partir de Balzac, de la femme de 30 ans, l'apologie d'une femme d'un certain âge, en partant de Balzac. Eh bien, ces écoles de samba sont payées en grande partie, sans ça elles ne pourraient pas vivre, avec de l'argent donné par des hommes politiques. Donc il y a une manipulation politique, si vous voulez, du carnaval. Non pas dans le sens de manipuler soit pour le parti d'opposition, soit pour le parti au pouvoir, parce que au fond, la lutte des idées n'est pas très grande. Ce sont des luttes d'hommes plutôt que des luttes d'idéologie, à part les partis d'extrême-gauche, mais qui sont souvent un peu écartés. Alors donc, ce sont des luttes d'hommes. Et alors, les gens qui veulent arriver, et qui veulent se présenter, et qui donc ont besoin d'avoir des votes des Noirs, donnent de l'argent, Et quand ils arrivent à être députés, ils continuent à donner de l'argent, et même un peu plus, à certains clubs, au détriment des autres. Alors vous voyez, je ne peux pas dire qu'il y ait changement de mentalité. Le carnaval est toujours aimé en lui-même, mais il y a tout de même, à travers ces écoles de samba, et un effet que j'appellerais négatif, moi personnellement, de la commercialisation. Les gens qui viennent danser sont des gens qui appartiennent à ce que l'on appellerait ici des bidonvilles, c'est-à-dire à des favelles. Alors donc, là, il y a tout de même aussi cet élément de catharsis dont je parlais, c'est-à-dire que pour les gens qui habitent les favelles, privés d'eau, parfois d'électricité, qui sont séparés du reste de la ville, qui se trouvent accrochés sur les montagnes, il y a un moyen de se détendre, aussi de se défouler, pour employer l'expression que j'ai employée si souvent. Il y a là tout de même une espèce de fête perpétuelle. Alors, dans le déroulement du carnaval, oui, il y a deux spectacles en un. Il y a d'une part ces écoles de samba, oui, qui sur la place publique se produisent et se font juger par l'ensemble de la population. Et puis il y a l'autre spectacle que la population, dans sa totalité, oui, se demande elle-même. La population danse elle-même, n'est-ce pas? Le défilé ne se fait que... Ça commence par un défilé. Oui. Non, ça se finit plutôt par le défilé. Le défilé, c'est quelque sorte le feu d'artifice. Mais il y a les trois jours dans lesquels les gens ne travaillent pas. Pour pas qu'il y ait trop de désordre, il est interdit pendant ce moment-là de vendre de l'alcool dans les cafés. Pour les gens du peuple, c'est très bien, mais pour les gens qui ont leur bouteille de whisky chez eux ou de scotch, il y a quand même possibilité de boire. Et il y a de plus le fait que l'entroude dont je vous ai parlé existe sous une forme différente. C'est-à-dire qu'on s'arme d'un petit vaporisateur dans lequel il y a de l'éther. On ne jette plus de l'eau sur les gens, c'est défendu maintenant de jeter de l'eau, mais on a trouvé cette solution qui est beaucoup plus dangereuse, c'est de volatiliser de l'éther qui ne mouille pas sans doute, mais qui vous drogue, hein, puisqu'on peut se droguer avec de l'éther. Et alors il y a donc, surtout chez les femmes, une certaine tendance à la transe sans y tomber. Mais ce n'est pas une transe religieuse, c'est une espèce de transe de drogue. Et bien entendu, les gens qui veulent avoir une femme en profitent, n'est-ce pas, pour essayer de les droguer le plus possible, de leur lancer le plus possible. J'ai vu des filles tomber par terre, évanouies, enfin, presque dans un état cataleptique, parce qu'on leur avait trop lancé d'éther sur elles. Et alors, donc, ça commence le premier jour. Encore, tout n'est pas chaud. Il y a une espèce d'effervescence qui se multiplie, qui va se multipliant, et qui atteint son paroxysme, sans doute, à mon avis, le second jour. Quant au troisième jour, les gens sont épuisés. À la fin, à force de danser, la nuit et le jour, et on les trouve dormant sur le trottoir ou enlacés dans la rue, fatigués, lassés, etc. C'est sur un spectacle un peu triste que je termine cette description du carnaval de Rio. Et j'ajoute alors qu'il y a un anti-carnaval. Aujourd'hui, le mot anti est à la mode, n'est-ce pas, anti-culture, anti-ceci, anti-cela. Alors, je peux bien vous parler d'un anti-carnaval. Alors, l'anti-carnaval se trouve à Saint-Paul, la ville où j'étais professeur. Il y a eu une imitation du carnaval de Rio à Saint-Paul. Il y a deux ou trois blocs africains très pauvres, sans gros intérêt, qui défilent. Le carnaval est surtout un carnaval de défilé de voitures. Les automobiles défilent dans la rue et on se lance des parfums ou de l'éther parfumé. On se salue, on se dit des plaisanteries, etc. Et puis alors, il y a les danses de salon. Mais pendant les trois jours du carnaval, il y a un certain nombre de catholiques qui vont à l'intérieur d'un couvent et qui passent les trois jours et les trois nuits en prière pour les gens qui perdent leur âme au cours des carnavals. Pour les petites filles qui sont déplorées, pour les femmes qui ont trompé leur mari ou les maris qui ont trompé leur femme. Alors j'appelle ça l'anti-carnaval, n'est-ce pas? Et ce qui est très beau, je trouve, ces gens qui passent trois jours et trois nuits en prière à genoux dans un couvent, n'est-ce pas, pour les âmes qui se perdent au cours de ces trois jours. Nous venons de mettre en évidence avec le carnaval brésilien un phénomène tout à fait différent du carnaval européen. Pourtant, ici comme là et sous des visages différents, ce qui apparaît, c'est le besoin de changer l'ordre quotidien, de conquérir une dimension refusée à la vie de chaque jour. Nous voudrions maintenant, pour conclure, revenir avec Jean Marcal et avec Claude Gagnebé sur la signification générale du fait carnavalesque. Au-delà des Celtes auxquels il a consacré déjà trois ouvrages, Jean Marcal a tenté de mettre en évidence la place du sacré dans la civilisation. Or, le carnaval est une des formes de notre dialogue avec la nature, une des formes du sacré. Ce sacré du carnaval, vous en voyez l'empreinte, Claude Gagnebé, dans les religions les plus archaïques de notre continent. Oui, vous parlez de sacré. J'ai tendance toujours à insister sur le fait que, dans le carnaval, sacré et obscène sont très proches. C'est deux valeurs qui sont absolument conjointes dans le carnaval. Et s'il fallait résumer ce que je pense très profondément du carnaval, je pense qu'il s'agit, en effet, d'un ensemble religieux très ancien, pré-celtique et peut-être même pré-indo-européen, qui faisait appel à toute une série de valeurs que généralement nous condamnons. Ces valeurs, ce sont essentiellement ce qui a pu apparaître au cours de ce que nous avons pu dire sur le carnaval, ce sont essentiellement les valeurs, disons, de la scatologie et de la sexualité. C'est donc un monde général que l'on pourrait appeler du dessous de la ceinture. Et puisque c'est un monde à l'envers, bien entendu, ce dessous de la ceinture va passer au-dessus de la ceinture, puisque l'homme est considéré comme à l'envers. Mais je crois qu'il est très important de ne pas considérer que cette conception de l'homme à l'envers est une conception qui n'apparaît au Moyen-Âge qu'en réaction contre des valeurs chrétiennes ou en réaction contre des valeurs platoniciennes, disons, qui considèrent que le haut est meilleur. Je pense que carnaval est antérieur à cette affirmation de valeurs, disons, platoniciennes ou chrétiennes, et affirmer très sérieusement que l'ensemble qui se situe sous la ceinture est très important. Et vous savez qu'il y a certains, bien entendu, certains textes initiatiques qui parlent de la nécessité de ce renversement. Est-ce que l'on peut parler à ce moment-là de religion primitive ? Vous savez que le mot est très discuté et que actuellement on n'emploie plus qu'entre guillemets. Mais enfin, il faut quand même admettre qu'il y a un fond, disons, religieux, qui possédait des divinités très précises. Je ne pense pas que l'on doive faire une sorte de vaste mélange, parler sans contrôle de religion préhistorique, de même religion primitive, est gênant. Donc, un ensemble qui insistait sur ces valeurs et dont l'expression, par exemple, dans l'Antiquité, doit être plutôt recherché du côté de Pythagore, qui insiste sur la fève, qui fait gonfler l'âme, etc., que, bien entendu, du côté de Platon. Mais je pense qu'il serait très intéressant de savoir si l'ensemble des religions celtiques a pu récupérer certaines de ces valeurs, les utiliser dans des mythes ou dans des rites, ou si, simplement, nous voyons apparaître le carnaval, comme le pensent certains, disons, à partir du XIVe siècle, en France, et uniquement en réaction contre des phénomènes ecclésiastiques. Oui, je pense en effet qu'il y a plutôt une ancienneté du carnaval. Les Celtes ont récupéré certaines traditions anciennes, provenant vraisemblablement de cette religion primitive, entre guillemets, dont vous parlez. Mais là, comme les textes nous font défaut, nous sommes obligés de nous référer seulement à quelques mythes précis ou quelques légendes. Les dieux celtiques, en grande partie, sont hérités de traditions plus anciennes. Mais il me vient à l'esprit un exemple caractéristique. qui est celui du dieu irlandais Dagda. Ce dieu Dagda est un goinfre. C'est celui qui est capable d'avaler tout seul le contenu d'un chaudron, généralement réservé à une assemblée entière. Il y a dans un texte irlandais qui s'appelle « La bataille de Mac Toured » et qui est un récit épique, l'épisode du dieu Dagda qui s'en va dans le camp des Fomorés, ses ennemis, et que ses ennemis obligent à manger le contenu d'un chaudron. Mais alors là, le rituel est assez curieux, car les ennemis creusent une fosse dans la terre, remplissent cette fosse avec de la nourriture qu'ils ont fait bouillir dans un chaudron, et obligent Dagda à manger, à même le sol, à s'empiffrer en quelque sorte. Ça me paraît un témoignage d'un rite orgiaque comparable à ce qui se passe le Mardi Gras chez nous. Les dieux celtiques sont par conséquent hérités du plus lointain des temps et avec leur mythe sont venus des traditions que les Celtes ne comprenaient peut-être plus très bien mais qui demeurent comme des témoignages. Il y a également à dire que les fêtes celtiques correspondent à chaque fois à des rituels d'échange. Il y a une sorte d'équivalence entre les mondes lors de la fête d'Imbolc, qui précisément date du 1er février, c'est-à-dire du début du carnaval, et qui est la fête du grossissement, la fête du gonflement, où tous les excès finalement sont permis, non pas tellement en tant que transgression d'un interdit, mais plutôt comme le signe d'une immense volonté de vivre. Il me semble en effet que chez les Celtes, l'âme ne se trouve pas tellement dans la poitrine ou dans la tête, mais dans le ventre, marquant ainsi l'équivalence que faisaient nos ancêtres entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. On a quand même le sentiment que ces débordements de joie et de nourriture, ils sont une réponse à d'autres périodes de l'année, d'autres cycles saisonniers dans lesquels les hommes sont soumis à une pénitence, à une frustration véritable, et que par conséquent, il y a une sorte d'échange constant qui s'établit entre le moins et le plus, entre le désir et le refus du désir. Est-ce que l'on trouve ce sacrifice, cette frustration, pourrait-on dire, dans le monde celte? Oui, dans la succession des fêtes celtiques, la fête d'Imbolc marque finalement l'expression la plus ardente du grossissement et du désir de vivre, mais il y a avant la fête d'Imbolc, la fête de Shamain, qui se tient au 1er novembre, qui est la fête des morts et qui est une sorte d'ouverture sur l'autre monde. À la fête de Shamain, les gens de l'autre monde peuvent venir sur la terre, alors traduisons, les dieux peuvent venir rendre visite aux hommes, pour le début de l'hiver, comme une sorte d'encouragement à persévérer dans l'effort et dans la privation des mois noirs, comme l'on dit encore en Bretagne. Et puis, la fête de février, la fête d'Imbolc, est déjà la fête de l'espoir, où la terre a déjà accompli son renversement, où toute la nature déborde maintenant vers le printemps et vers l'été. Il y a, à partir de ce moment-là, l'espoir d'une nourriture abondante. Et par une sorte de vœu, il y a des réjouissances qui permettent d'accepter encore une certaine période de privation avant les futures moissons. Et ces futures moissons, nous les trouverons donc en été, avec la fête de Lugnasad, la fête où le soleil se marie en quelque sorte avec la terre et où tous les fruits de la terre seront à la disposition des gens qui auront travaillé pour cette époque. Claude Gagnebet, est-ce qu'il vous semble que ce dialogue de l'abondance et de la pénitence, de la privation et de la prolifération, vous paraît rendre compte du phénomène carnavalesque? Je crois en effet que lorsque l'on parle de gonflement, il faut bien entendu considérer des phénomènes de type systolique et diastolique, c'est-à-dire au fond une respiration. La respiration supposant une alternance de périodes d'abondance et de périodes de restriction. Ce qui marque le mieux, bien entendu, cette opposition, c'est l'opposition du carnaval et du carême. Et il serait intéressant de voir dans quelle mesure des carêmes, soit qu'ils correspondent à des carêmes réels, et je crois que l'explication que nous venons d'entendre à propos de l'importance des périodes de soudure dans les civilisations où le problème était réel, et on sait que nous n'avons plus, disons, qu'à de brefs instants, actuellement, dans notre vie, nous n'avons plus de problèmes de soudure alimentaire très importants, mais encore pour beaucoup de gens, malheureusement, et pour beaucoup de civilisations, il y avait très nettement ressenti cette alternance de carême, et un chapitre de M. Lévi-Strauss peut s'intituler « Août en carême ». Donc, un carême d'août, qui lui aussi peut être important. Ce sont des périodes où la récolte n'est pas encore levée, où l'on doit offrir des prémices. Je pense que c'est le cas de Lugnasad. Il y a comme ça toute une série d'alternances dans la vie agraire, qu'il faut en effet mesurer. Le plus net, c'est sûrement quand même cette lutte, disons, des valeurs carnavalesques et des valeurs de carême que l'Église reprend ou impose, c'est difficile de le savoir, mais qui va se retrouver à d'autres périodes de l'année, je pense, avec ces mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il y aura, un certain nombre de passages dans l'année qui seront marqués par des rites, et certains de ces passages se marqueront successivement par une période d'angoisse, par exemple, et de restriction, puis, au contraire, une période de joie. Et je pense que ces séries d'alternances apparaissent à peu près dans toutes les fêtes, mais plus particulièrement dans l'ensemble, par exemple, Mardi Gras, Mercredi des Cendres. À cause de cette angoisse, les humains convient les dieux à descendre parmi eux. Et les dieux descendent masqués. Autrement dit, les hommes se revêtent de masques pour prendre l'apparence des dieux. Quelle vous paraît être, Jean Marcal, la signification générale du masque carnavalesque? Dans la civilisation celtique, le masque joue un rôle très important, non pas en tant qu'objet, mais en tant que nom qui permet de s'opposer aux autres humains. En effet, le masque est comparable à la personne, puisque étymologiquement, le mot personne signifie masque de théâtre. Chacun des humains porte un masque et présente ce masque aux autres, cachant peut-être sa véritable personnalité, se défendant vis-à-vis des autres, et pouvant même emprunter à la fois l'intelligence et les moyens de ceux qui viennent du ciel, c'est-à-dire les dieux. Il y a une sorte d'interférence entre le domaine divin et le domaine humain lors des grandes fêtes rituelles. Et je pense que la mascarade que nous retrouvons dans le carnaval peut être un lointain souvenir de cette époque où le véritable nom d'un héros ne devait pas être prononcé sauf les jours de fête rituelle, car il était extrêmement dangereux de le prononcer. C'était livrer à l'ennemi son identité, c'était livrer à l'ennemi son être intérieur. De toute façon, dans notre civilisation moderne, la disparition du masque et du déguisement peut présenter des aspects dramatiques. La psychanalyse a mis en évidence qu'autrefois, les garçons trouvaient un équilibre psychologique plus profond parce que, dans leur premier âge, ils étaient habillés avec des robes. Ainsi, ils passaient par une période carnavalesque qui, une fois enfouie dans les ténèbres de l'inconscient, les mettait en mesure d'affronter leur vie d'homme. Claude Guignebet, je voudrais, à propos de cette occultation des masques, vous poser une question d'un ordre un peu différent. Sous l'Ancien Régime, le carnaval s'est à peu près complètement estompé. Les masques ont disparu. Et c'est sous l'Europe d'Ancien Régime que l'on voit apparaître les grandes guerres nationales, qui connaîtront un développement encore beaucoup plus grand avec la Révolution française, laquelle révolution d'ailleurs interdira le carnaval. Et il serait curieux de savoir s'il y a un lien entre cette espèce de grande fête qui se produit au moment de carnaval, où tout le monde dépense beaucoup d'énergie et où chacun retrouve sa joie à travers la joie des autres, et le fait que, avec la disparition de carnaval, apparaissent ces grands conflits qui manifestent une énorme agressivité. Je suis persuadé qu'il existe un lien. Malheureusement, je suis aussi persuadé que le lien est faible. C'est-à-dire que s'il suffisait de se dire qu'en mettant à nouveau au premier plan un certain nombre de valeurs carnavalesques, nous risquerions de voir diminuer généralement le phénomène d'agressivité, je pense que si on me posait une telle question, je répondrais non. Parce que l'agressivité va chercher ses sources très loin. Non seulement on a parlé tout à l'heure de psychanalyse, bien entendu à l'intérieur de l'individu, mais je pense que bien qu'il y ait un rapport étroit entre, par exemple, agressivité sous sa forme sadique et analité, je ne pense pas que développer l'un puisse en quoi que ce soit réduire l'autre. Ce qu'il faudrait retrouver, dans la mesure où c'est possible, c'est bien entendu quand même un certain nombre de faits véritables. Et là, je pense que les efforts qui sont faits actuellement pour retrouver le carnaval sont à peu près vains, dans la mesure où la plupart du temps, on retrouve le carnaval, d'une part, sans avoir bien compris ce qu'il était, très souvent, et d'autre part, uniquement comme spectacle. Or, ce qui était important, bien entendu, dans le carnaval, c'est que la communauté tout entière était impliquée, d'une part, et que bien faire un carnaval, ce n'était pas simplement bien s'amuser, et je dirais presque loin de là. Bien faire un carnaval, c'était s'assurer, par un certain nombre de rites, généralement agraires, que l'ensemble de ce que l'on pourrait appeler l'esprit du monde, c'est-à-dire des éléments qui, dans le monde, sont prêts à le féconder à chaque instant, que l'ensemble de l'esprit du monde va bien circuler. Et ça, je ne pense pas qu'une quelconque réorganisation du carnaval dans une ville actuelle par un quelconque syndicat d'initiative puisse parvenir à de tels résultats si l'on n'a pas le sens profond, d'une part, de notre liaison par l'intermédiaire de cet esprit du monde à l'ensemble du macrocosme, disons, et d'autre part, de la responsabilité de la communauté tout entière pour le faire circuler de manière très précise. C'est-à-dire que dans le carnaval, chaque homme qui est un acteur du carnaval fait don de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il porte en lui à l'ensemble de la communauté. Oui, et en faisant ce don, il s'aperçoit, ce qui est très important, il s'aperçoit qu'il a un certain nombre de valeurs en lui. Cet esprit du monde que les Celtes ont si bien su faire circuler, Jean Marcal, on aurait tort de croire qu'il a complètement disparu. Oui, il n'a pas complètement disparu. Seulement, il prend des formes nouvelles. La civilisation celtique a disparu en apparence, par suite d'une romanisation et d'une christianisation de l'Europe, mais des éléments nous restent, aussi bien dans le folklore de nos campagnes que dans certains comportements de notre vie. Et le carnaval, quelle que soit son origine, existe toujours en nous, en fait. Il n'existe plus en tant que tel parce que nous l'avons désacralisé. Et ce n'est plus qu'un spectacle. Et un spectacle ne demande pas la participation du public. Or, pour que le carnaval soit efficace, il faut que chacun de nous y participe. Et je crois que ce carnaval, nous le ressentons confusément en nous, dans des manifestations qui nous paraissent parfois absurdes et contradictoires. Pourquoi, en effet, se croit-on obligé, chaque fin de semaine, de se précipiter sur les routes pour changer d'air, pour retrouver de la verdure? Pourquoi sommes-nous presque obligés au 1er août, et vous noterez la date significative, c'est-à-dire la fête celtique de Lugnasad, c'est-à-dire le début de l'été et des moissons véritables, pourquoi se croit-on obligé à ce moment-là de se précipiter tous ensemble vers la mer, comme autrefois les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle s'en allaient vers l'Espagne pour ramasser tous ensemble des coquillages, participant ainsi à une œuvre commune où l'énergie de chacun servait l'énergie du tout? Alors peut-être, Claude Gagnibet, l'étude attentive des anciens carnavals, de ce vieux fond sur lequel nos ancêtres ont vécu, nous permettrait-il de retrouver sa signification et son dynamisme véritable? Vous savez, la chanson de carnaval dit « Carnaval est mort, il n'est pas mort, il dort ». Et je crois que ce thème du sommeil pendant une certaine période d'un personnage que l'on appelle carnaval, qui s'appelle dans la mythologie française Gargantua, qui s'appelle Frédéric Barberousse, qui s'appelle Alexandre, qui s'appelle le roi Arthur, ce sommeil, qui bien entendu est un thème celtique, mais qui va au-delà du celtisme, est très important. C'est bien entendu, d'une part, le sommeil de l'année, qui est ainsi représenté, c'est-à-dire que le représentant de l'hiver est réveillé au moment de carnaval et qu'il va sortir puis être mis à mort, mais qu'il reviendra, et on le sait. Mais c'est un sommeil aussi qui joue dans l'ensemble du monde pour ce que nous pourrions appeler, après les stoïciens, la grande année. C'est-à-dire une période où nous attendons pour la fin d'un certain temps, le réveil d'un certain nombre de valeurs, et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que ce réveil ne se fera pas trop tard. C'était Carnaval, une émission de Claude Métra, avec la participation de Claude Gagnibet, folkloriste, Martine Grimbert, historienne, Jean-Dominique Lajoux, du Musée des Arts et Traditions Populaires, Roger Bastide, professeur honoraire à la Sorbonne, Jean Marcal, écrivain, spécialiste de la civilisation celtique. Texte dit par Pierre Constant et Jacques Degore. Chef opérateur du son, Françoise Brochard. Collaboration technique, Jacqueline Duchamp. Assistant, Marie-Rose Desrouets et Bernard Ferbos. Réalisation, Evelyne Frémy. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 mars 1972. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Chegando mandou jogar tudo pro alto. Tarô de Marcela, Saturno quer me parar. A lua cheia brilha lá no alto, dá novas ideias, novas ideias. Quando a morte quer dizer transformação, as cartas não mentem, mas elas podem se enganar. Ascendente em fogo, signo leão, temperamento de chefe, pinta de patrão. Ela reclama que é pouca atenção que ele dá. Ele destaca os amigos, tomando chope, pedindo, leva pro jantar uma galinha. E desce e sobe a colina, vai na contramão, desfila de azul e branco. E vive perto do mar, urano de bom humor na favela. O sol brilha lá no alto. Chega aí, chega aí, chega aí. Pra tomar cuidado, arcanjo sem nome, dessa vez tá pendurado. Se atrasar o pagamento, o cabo será cortado. Ela tá sem novela, televisor desligado. Cigana mandou jogar tudo pro alto. Tarô de Marcela, Saturno vai me parar. A lua cheia brilha lá no alto, dá novas ideias, novas ideias. Quando a morte quer dizer transformação, as cartas não mentem, mas elas podem se enganar. Ela reclama que é pouca atenção que ele dá. Ele diz tá com os amigos, tomando chope, espetinho, e leva pro jantar uma galinha. E desce e sobe a colina, vai na contramão, desfila de azul e branco. E vive perto do mar, urano de bom humor na favela. O sol brilha lá no alto. Chega aí, chega aí, chega aí. Na esquina da pipoca, cachaça pra erê. Fez uma pezinha, pois a saideira. Ela reclama que é pouca atenção que ele dá. Ele...